Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 29e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et c'est la dernière émission de l'année et là je retrouve Laurent, salut Lolo. Hello, comment ça va tout le monde? Ça va et toi? Bon, ça va. T'as pas trop froid? Ça va même super bien. Ah non, là j'ai le moral à donf, là c'est, je suis ouais, à fond là. Parfait, tu veux nous dire avec ça pourquoi? L'actu qu'on a là, c'est, je suis à fond. Et ensuite nous avons Majo, salut Majo. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pris ma plus belle voix, la voix la plus suave. C'est feutré. Comment allez-vous? Bah ça va très bien, Ça va très bien, surtout parce qu'on a le plaisir d'accueillir deux membres d'Agartha Studio. Le studio lyonnais qui nous a pondu la petite pépite de fin d'année Stardust Odyssey, et on va en parler avec eux. Nous avons Dorian Collet et Aurélien Kerbessis. Salut les gars. Salut. Ça roule? Bah ça va. Ça va bien, on est content d'être là avec vous, puis de pouvoir parler un petit peu du jeu, puis de l'actu VR avec vous, ouais, ça va être sympa. Ouais, c'est clair, en tout cas ça nous fait vraiment plaisir que vous ayez accepté l'invitation. On va pouvoir donc du coup revenir sur Stardust Odyssey qui nous a bien plu à la rédac. Mais ouais. Avant cela, on va faire un petit point news avec Maître Lolo et il y a pas mal de choses à dire. J'ai cru que tu allais dire Maître Yoda. Je suis à fond et je suis toujours pas allé voir le dernier Star Wars, alors faut pas m'en parler. Précise, pas mal de bonnes choses à dire parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas toujours bien. C'est ça, là c'est de la bonne. Vas-y Lolo. Alors oui, on va commencer. Tout le monde a entendu les derniers propos de Phil Spencer sur la réalité virtuelle, qui n'était pas forcément qui annonçait que personne ne voulait la VR, que personne ne lui avait demandé la VR, et que c'était une technologie plutôt isolante. Donc c'est vrai que vu qu'il y avait très peu d'actu sur cette fin d'année, ça a pu nous mettre un peu le moral bien dans en bas. Basket. Et donc justement, cette semaine, on a eu droit à un festival de contre-attaque, on va dire, qui prouve que la VR n'est pas morte, loin de là. On va commencer par une petite news sur Valve et Half-Life Alyx, qui ont Donc c'est le designer Greg Coomer de chez Valve qui a confirmé la version de Half-Life Alyx et qui a signalé aux journalistes, alors je le cite, nous pensons que la plateforme VR de Sony a été un énorme succès pour la VR et nous supposons que beaucoup de clients Sony aimeraient découvrir ce nouveau chapitre de Half-Life. Donc c'est clairement pas un jeu qui se destinera à la PS4, donc là déjà on va arrêter de suite, mais potentiellement au niveau de la puissance, pourquoi pas sur la PS5, en tout cas Valve n'exclut pas un portage de Half-Life Alyx sur PlayStation. Ce qui est normal en plus parce qu'ils n'ont jamais été fermés justement sur de sortir leur jeu sur les autres plateformes et sur les consoles, donc exactement. Rien d'étonnant là-dessus. Donc, c'est un premier point parce que c'est quand même une énorme licence, donc c'est vrai que généralement très tard après les versions PC. Le premier Half-Life, je crois qu'il était sorti sur PS2 quelque chose comme 3, 4 ou 5 ans après. Oui, mais ça c'est pas gênant en fait. C'est vraiment même si ça arrive 2, 3 ans plus tard. Soyons patients. Exactement. Le PSVR 2, pour moi, il n'arrivera pas avant 2021, donc on a le temps, même plus tard. Mais disons qu'une licence comme ça, qui soutienne directement la VR de cette façon, et puis de parler que il ne ferme pas la porte à PlayStation, pour les joueurs PlayStation, c'est important, on est quand même relativement nombreux en VR. Le message est fort, en tout cas. Ouais, c'est cool. Ensuite, on va parler des brevets. Les derniers brevets c'est pareil, là, au niveau réalité virtuelle, depuis à peu près, on va dire, le mois de septembre, les brevets Sony Interactive sur la VR n'arrêtent pas. Par exemple, aujourd'hui, il y en a eu 5. Ouais. Ça va quoi. Formidable. Donc c'est impressionnant. Sur 10 brevets publiés par Sony, on arrive à des trucs comme 7 ou 8 concernant la réalité virtuelle. Alors là, je vous invite à aller voir l'article qu'on a mis sur le site concernant ces derniers brevets. Donc c'est tous des brevets qui ont été publiés entre le 5 et le 12 décembre. Et puis on va refaire un article parce que ça n'arrête pas. Globalement, ce qui en ressort, c'est qu'il y a énormément de brevets qui traitent de eye tracking. Ça c'est une technologie qui est indispensable, je dirais, notamment également dans le cloud, On parlait de Shadow qui travaille pour essayer de faire fonctionner la VR sur du cloud gaming. Ouais. Justement, l'eye tracking, c'est une technologie qui sera indispensable pour éviter de gaspiller de la ressource sur des parties que de toute façon on verra flou. Donc voilà. Et ça, d'ailleurs, Aurélien, Dorian, vous êtes plutôt bien placé justement, je pense, pour vous intéresser à ce genre de news. Vous avez regardé un petit peu ça de près, vous regardez justement ce type de dépôt de brevets qui peuvent sortir peut-être pour vos futurs développements. On regarde toujours en toile de fond, ouais, parce que c'est intéressant de savoir. Ça veut aussi dire que les constructeurs sont actifs et qu'il va y avoir des nouveautés, de nouveaux matériels, etc. Après, souvent, faut être patient, parce que quand on voit un brevet sur une techno qui a l'air intéressante, il y a toujours un... Ouais, ça dépend des cas, hein, mais souvent, il y a un laps de temps entre une commercialisation et un grand public. Même jamais. Du brevet, mais en tout cas, ça laisse présager de bonnes choses pour l'avenir, et c'est super, super intéressant, ouais. Notamment, oui, vous parliez du eye tracking, donc ça permettra justement de réduire la charge pour la console, pour le hardware, quoi, pour avoir plus de visuels, plus de fixes, plus de qualité là où on regarde le joueur. Donc c'est des trucs qui sont vachement intéressants. Et puis peut-être des versions sans câble ou autre, quoi. Ça aussi, ouais. En sachant ça, vous en inspirez pas pour faire des développements, quoi. Je veux dire, vous partez pas d'un théorique sans savoir exactement où est-ce que ça. Il faut vraiment que ce soit concret pour faire des développements. Oui, parce qu'en fait c'est compliqué. Alors nous, on est une petite équipe en plus, donc on essaye d'être innovant, mais avec le matériel qu'on a et qui sera disponible pour le grand public, pour la sortie d'un produit, etc. Après, c'est plutôt, sauf cas exceptionnel, mais la plupart du temps, ils ont des équipes plutôt en interne. Comme, là, je suppose que depuis pas mal de temps, il doit y avoir le London, enfin le pas le London Studio, mais enfin l'équipe qu'ils ont au Japon, là, chez Sony, qui doivent. Sony. Japan Studio. Japan Studio. Oui, Japan Studio, ouais, qui doivent eux plancher bien sûr sur des nouvelles technos qui vont sortir, etc. Donc ils font de la R&D, plus de la R&D. Nicolas Doucet nous l'avait dit justement, oui. Que quand ils avaient démarré le développement de Astrobot, ils avaient déjà des versions du PSVR bien avant tout le monde en fait. Et oui, voilà. Ouais, alors qu'il n'était pas commercialisé. C'est le constructeur, donc ils essayent de faire de la R&D, puis de trouver des petits concepts qui vont être vraiment tape à l'œil, enfin qui vont vraiment se démarquer et proposer des trucs vraiment sympas sur leur plateforme. Après, il y a certains développeurs qui peuvent avoir accès à des infos venant de l'intérieur, quoi. mais c'est réservé à certaines équipes. Nous, on essaye de se concentrer sur nos projets. Sur ce qui existe en déjà. Ce qui est déjà, ouais, c'est déjà bien. Ce qui est déjà beaucoup de boulot. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Justement, tu parlais de London Studio. Laurent, tu as un truc à dire aussi là-dessus. Oui, alors London Studio qui en ce moment recrute à mort. Ils ont publié pas moins de 7 candidatures ouvertes pour recruter de nouvelles personnes dans leurs équipes. Et ces 7 candidatures sont toutes liées à la VR. Il y a VR Tech, VR Conception et un directeur de production, un concepteur technique de jeu, concepteur de niveau de mission, programmeur de gameplay, et c'est tout dans la VR. Alors ce qui est très intéressant, c'est que sur chacune de ces annonces, il précise que la personne devra travailler avec des créatifs et une équipe technique plus large, avec donc tous les gens qui ont déjà travaillé avec les personnes qui avaient bossé sur Blood and Truth. Et ce sera pour leur prochain titre de réalité virtuelle exclusif après le récent lancement de Blood and Truth sur PSVR. C'est bon. un très bon signe en disant que Sony ne lâche pas du tout la VR, surtout que s'ils commencent à recruter maintenant sur une grosse équipe comme London Studio, je ne sais pas combien ils vont être sur un jeu VR, mais c'est des jeux qui vont prendre peut-être 2 ans à être développés, peut-être même plus. Le recrutement, s'il se fait maintenant, ça concorde, parce qu'on sait que d'à peu près un an on aura droit à la sortie de la PS5, et Sony ont déjà ont déjà communiqué en disant que le PSVR 2 ne sortira pas en même temps que la PS5. Forcément, ils ne vont pas court-circuiter les deux produits. Mm-hmm. Donc, il est très probable que le PSVR 2 arrive encore un an après, donc en décembre 2021, ce qui laisserait 2 ans à London Studio pour proposer un jeu au lancement du nouveau casque. D'accord. Donc, c'est... En tout cas, ça veut dire clairement que Sony ne laisse pas du tout tomber la VR, loin de là. Au contraire, ils mettent le paquet. C'est bien, ça fait du bien justement d'avoir un petit peu de ce genre de nouvelles-là quand on a un petit peu constaté une certaine timidité ou un problème à communiquer sur la réalité virtuelle qu'ils avaient au niveau de Sony et même la mise en avant de certains jeux qui n'est pas très très bien faite, même sur le PSN. Hein. Donc ouais, c'est plutôt cool. Majo, t'allais dire ? J'espère qu'il dit que ça accompagnera certainement le lancement du PSVR 2. J'espère qu'il sera compatible sur les deux casques. Et que s'il y a une nouvelle technologie sur le PSVR 2, ça sera, comment dire, pas exclusif au PSVR 2, que ce sera quelque chose que tu pourras pas utiliser avec le premier, ouais. Et tout. Ouais. Parce que c'est un peu le cas là, avec les portages actuels des jeux PC sur PSVR, notamment, je vais parler des Spire One. En fait, il y a certaines technos qui ont été pensées pour les manettes du Valve Index. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas applicable avec les Move, par exemple. Donc c'est une techno que tu peux pas utiliser. Par contre, dans la manière dont ils te l'amènent dans le scénar, ils t'expliquent que ça marche comme ça, mais en fait, ils ont fait une manière détournée dans le jeu pour pallier à ça, mais... J'espère quand même que ça sera compatible sur les deux versions et qu'on n'aura pas de problème de ce côté-là. En tout cas, on espère qu'ils pourront adapter comme il faut les nouveaux gameplay, on va dire, des nouveaux contrôleurs sur les anciens, quoi. Ça serait bien. C'est ça. Il y aura une période de transition de toute façon, ça c'est sûr et certain. Dès la sortie de la PS5, on sait que le PSVR sera compatible, donc la plupart des accessoires le seront également. Mais derrière, oui, c'est vrai que là, déjà en plus, on a des jeux qui vont sortir PS5. Derrière, est-ce qu'ils vont être portés sur PS4 Pro? Ça repose le souci de la PS4, du coup. Comment ils vont gérer tout ça? Parce que ça va faire beaucoup de versions du même jeu. On verra quand ça sortira. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est des questions qu'on peut se poser. Ouais. C'est ça. On en saura plus en 2020. T'avais autre chose, Lolo? Moi. Comme news? Oui. Big Screen. Big Screen. Il y a du neuf sur Big le Screen. Alors, c'est VR. Le cinéma VR qui est déjà très connu dans le milieu PC, parce qu'il n'y a que sur PlayStation qu'il n'était pas encore là. Je vais passer toutes les... Parce que alors, ça a été une vraie histoire de fou. Un coup j'y vais, un coup j'y vais plus. Un coup Sony ont rejeté leur application. Un coup c'est accepté. Là, sur leur site, ils viennent tout simplement de publier une petite ligne qui précise que Big Screen sera pris en charge sur PlayStation VR à partir de à venir pour l'année 2020. D'accord. Tu peux rappeler vite fait juste ce que c'est Big Screen pour ceux qui ne savent pas. Un Big Screen, comme son nom l'indique, c'est un écran. C'est un gros écran. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. En fait, c'est une application un peu à la Rec Room dans laquelle on va pouvoir visionner des vidéos avec ses amis, jusqu'à 11 amis en ligne. Donc ça, c'est la version PC. On va pouvoir très bien regarder un film. Donc dans ce cas-là, ça va être une espèce de store où on va pouvoir acheter des films et puis regarder le film avec tous ses amis en réalité virtuelle. Alors je dirais, concernant le PSVR, c'est pas forcément le truc le plus intéressant parce que la résolution du PSVR est pas encore bien adaptée pour ce genre de choses. Par contre, ce qui est génial, c'est ce qu'ils appellent le salon, où là on va pouvoir très bien regarder des vidéos YouTube, des vidéos Twitch, des vidéos provenant gratuites, donc même de chaînes de télévision, avec une équipe de 11 copains, et puis par exemple assister à des lives sur l'E3 et puis s'enregistrer. Ça peut être super intéressant pour faire ce genre de choses. Donc en fait, c'est un truc un petit peu communautaire où tu pourras entendre tes potes bouffer le popcorn comme en vrai, quoi. C'est tout à fait ça. Et puis aujourd'hui, j'en reviens à Phil Spencer qui dit que la réalité virtuelle... Ça faisait longtemps, tiens. Ouais, mais je vais pas le louper. Tu sais qu'il lui fait de la pub à parler de lui tout le temps, Laurent. C'est clair. Qui dit que la réalité virtuelle est isolante. Je dirais encore qu'un joueur aujourd'hui, il va rentrer, un ado joueur, il va rentrer chez lui, il va claquer la porte de sa chambre, il va s'enfermer dans sa chambre, il va jouer en réseau. Donc il va discuter en réseau en jouant à un jeu. Avec des applications comme ça, tu vas inviter tes amis, tu les verras en réalité virtuelle. Si je veux rebondir encore sur les brevets de tout à l'heure, il y a des brevets qui vont utiliser l'eye tracking pour en fait, ton avatar aura les yeux qui bougeront comme tes yeux à toi. Donc, la personne en face saura ce que tu regardes et on verra aussi des expressions de visage. Donc, ça peut aller très loin, la réalité virtuelle. Si on a de la famille, je vois mon frère qui n'est pas à côté, on peut se rejoindre là-dedans. C'est vraiment des vraies applications sociales de la réalité virtuelle. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, il y a ce côté-là, se dire qu'on ne va pas faire que jouer à un jeu et puis se dire « je t'ai tué, t'as fait un top 1 » ou je ne sais quoi. On va pouvoir aussi regarder des lives, on pouvoir en discuter ensemble autour d'une table grâce à des applications comme celle-là. Ce sera complètement ouvert à toutes les plateformes, donc on pourra aussi avoir des personnes sur PC, ce sera vraiment cross plateforme. Ok, donc plutôt une bonne chose, quoi. Donc c'est une super chose. Parfait. Quelque chose à rajouter ? Il y a encore. Bah oui, il y a The Walking Dead. Saints and Sinners qui va débouler aussi sur PlayStation VR. Ouais. Donc là c'est pareil, on ne sait pas s'il sera PS5 ou PS4. Vu la qualité des rendus du trailer, on peut se poser la question. Donc ce que l'on sait, c'est qu'il arrivera le 23 janvier 2020 sur Valve Index, Vive Cosmos, Oculus Rift S et sur les Windows Mixed Reality. Et par contre, il est prévu pour le quatrième trimestre 2020 pour l'Oculus Quest et le premier trimestre 2020 pour le PlayStation VR. Okay. Donc la PS5 ne sera pas encore sortie, mais cette fois c'est des dates, c'est officiel, c'est sur le site, c'est sur les trailers, c'est marqué de partout, il y a le logo PlayStation, c'est tout bon. Je sais pas s'il sera si gourmand que ça, il a un petit côté cel shading, fait un petit peu penser au graphisme de. Oui, il fait très dessin animé. De Telltales, justement, qui avait fait. Ça reste un monde ouvert, donc. Aussi, ça va manger un peu. Ouais. Ça va être un peu gourmand, mais je sais pas comment ils vont gérer le... Ou alors il va y avoir une version PS5 et une version PS4 Pro. C'est sur PS4 surtout que je me pose des questions sur ce genre de jeu. Ça sera flou, hein, comme d'hab. Hein. Ouais. Enfin... C'est ça. On a l'habitude. Après, faut voir comment c'est géré. Hein. Mais faudrait demander à des professionnels. Oui, c'est ça. Exactement. votre avis, les professionnels. Tu regardes un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est toujours un challenge d'avoir toutes ces plateformes-là à gérer, parce qu'il y a un gap déjà entre la PS4 et la PS4 Pro. Nous, on a pu proposer des graphismes améliorés, etc., sur la PS4 Pro, et surtout un framerate plus important. Et ça sera encore pire avec la PS5, donc on pourra faire plein de choses super. Ouais. Et après, c'est vrai. Pour ça, les gars. Mais du coup, c'est vrai que ça pose le challenge de que quand on a, du coup, quand la PS5 va sortir et on va vouloir faire des trucs assez balèzes et avec plein de, des expériences de ouf, il faut aussi avoir dans le coin de la tête que la stratégie, c'est d'être multiplateforme, notamment chez Sony, ne serait-ce qu'au sein de chez Sony, donc aussi vers d'autres devices. Ouais, ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment vous le gérez, ça, en fait, le distinguo entre PS4 et PS4 Pro. Alors, parce que du coup, en fait, est-ce que vous commencez d'abord par la version PS4 standard et ensuite vous adaptez à la Pro en essayant d'améliorer un maximum, ou est-ce que vous faites l'inverse, d'abord vous développez sur la Pro en essayant d'avoir un maximum de possibilités et ensuite vous régressez pour la version PS4? Alors nous, on a fait le choix de vraiment avoir comme cible principale la PS4 standard. Ouais. Parce qu'on voulait vraiment avoir des performances et un confort et une expérience de jeu optimale pour le plus de monde possible, en fait. Et du sur coup, les talons, quoi. Oui, voilà. Optimiser sur la console qui a le plus grand nombre de joueurs. De oui, voilà. Et après, on s'est permis de... Une fois qu'on avait passé un certain palier, on s'est permis de bosser sur la PS4 Pro et puis de proposer des choses améliorées. C'est toujours difficile d'en mettre plein la vue et puis de réduire à la fin, parce que du coup est-ce qu'on va y arriver ou pas, et si on est en galère, on va tailler à la hache et du coup ça va pas être très propre sur la et ça va devenir ça va être frustrant en plus, je pense, pour vous, parce que c'est des trucs sur lesquels vous avez bossé, les virer à la fin, c'est chiant. Oui, voilà. Si par exemple on en arrive à mettre je sais pas, moins d'ennemis, moins de personnages à l'écran, du coup la sensation de jeu va changer quoi. Ah, si ça touche au gameplay, ouais, ça commence à être bien foireux. Alerte rouge. C'est ça. Ouais, du coup, c'est ce que j'allais vous demander sur le gameplay. Forcément, du coup, vous exploitez pas toutes les ressources en fait de la PS4 Pro pour le gameplay. En fait, vous allez adapter la partie graphique finalement essentiellement avec un patch pro de la version PS4 standard, mais pas au niveau du gameplay en fait. Vous vous servez pas de la puissance de la pro pour développer le gameplay dès le départ en fait. Pour le projet pour Star Wars Odyssey, en tout cas, ça a été le cas, c'est-à-dire qu'on est parti sur un gameplay qui fonctionnait sur la version standard. Et ensuite, sur la Pro, ça a été des optimisations performance, rendu, etc. Mais oui, pour notre cas, à nous, on n'a pas proposé de gameplay différent sur la PS4 Pro. Je pense que la plupart des jeux qui le font, c'est potentiellement des jeux non VR, parce que si on a de la puissance en plus, on peut rajouter des ennemis, des choses comme ça, mais en VR, on a des contraintes qui sont assez importantes, et à PS4 Pro, on va pas forcément non plus doubler. Enfin, si sur le papier, on fait x4 en VR, on n'est pas au même ratio, parce qu'on a plus de pixels, on a une résolution qu'on pousse un peu plus loin, et puis notamment le framerate, nous on a proposé un jeu qui tourne à 90 FPS sur la PS4 Pro, et rien que ça, c'est très gourmand. Donc on a pu rajouter quelques petites choses, mais pas non plus proposer une expérience différente. Quoi. D'accord. Mais avec la PlayStation 5, là, je pense qu'il y aura de la marge. Ouais, je pense aussi. Ouais. On espère. il faudrait quand même. Ouais. On est un peu à la rue. Hein. Donc avant de continuer sur Stardust Odyssey, on avait des petits tests à vous proposer. C'est encore Laurent qui s'y colle. Allez. T'as beaucoup conduit, t'as fait beaucoup de routes ces derniers oui, temps. Oui, on va partager en deux, parce que ça a été un peu la semaine ou les deux semaines des petites voitures, des petits bolides à la Mario Kart sur PlayStation VR. Alors, Majo a testé Touring Karts, moi je me suis fait Mini Motor Racing X. On s'est pas trop concerné, par contre pour Mini Motor Racing X, je suis quand même allé passer 2-3 heures sur Touring Karts pour voir ce que ça donne. J'ai fait pareil. Voilà, juste parce que j'étais curieux. Je parlais tout à l'heure de Mario Kart VR, donc c'est vraiment, on en avait parlé avec Nicolas Doucet, on l'avait embêté, on lui avait dit, maintenant que tu as fait Astrobot, maintenant il faut que tu nous fasses Astro-Kart. Un Astro-Kart. quand CTR est arrivé, j'ai dit, putain, ils vont nous le faire en VR, et c'est jamais arrivé non plus. Donc, et puis on sent qu'il y a une demande, hein, même sur le site, sur les réseaux sociaux, on sent que c'est quelque chose qui marcherait fort. On avait VR Kart jusqu'à présent, mais qui était vraiment limite, si ce n'est même dire pas terrible, ouais, terrible. Donc là, on a déjà du plus lourd qui arrive récemment. Donc Mini Motor Racing, à la base, c'est pas du tout un Mario Kart. C'est un jeu qui était sur téléphone mobile, qui a fait un carton sur iOS d'ailleurs. C'était vraiment un petit jeu de circuit à la Tiny Trax. Je sais plus comment s'appelle le studio qui avait fait Tiny Trax. Voilà, c'est un jeu de petite voiture, un petit circuit de voiture, on est au-dessus, en vue de dessus, on peut changer ses vues, on peut aller dans la montgolfière qui sont au-dessus, et à chaque fois on voit les petites voitures comme si on avait un petit circuit devant nous, mais alors le côté sympa qu'ils ont rajouté à mon avis à la dernière minute, parce qu'au départ c'était juste une adaptation d'un jeu, puis ils ont écouté la communauté, et ils ont modifié leur jeu en conséquent, c'est d'intégrer une vue à la première personne, donc on aura les yeux juste au-dessus du toit des voitures. On ne sera pas dans les voitures, mais ça fonctionne très bien, parce que du coup, on serait dans un kart, ça serait un peu pareil. Mmh. Et là, ils ont rajouté aussi les armes qu'il faut absolument sur un jeu de ce type-là. Mmh. Et au final, on se retrouve avec un jeu qui a plus d'une cinquantaine de circuits différents et très variés en plus. Ouais. Ça va passer de la montagne enneigée, bord de mer, enfin on a vraiment tout, on a même un mini Monaco. Alors c'est tout mini, hein, c'est des petites voitures sur des tout petits circuits, donc il y a plusieurs, on va faire 6 tours, mais les circuits sont très petits. Par contre, visuellement, c'est très joli. Niveau modélisation, c'est simplé. Quand on regarde de près, il y a beaucoup de plans qui sont plats, et puis dans le garage. On va créer du volume avec la texture. Mais globalement, par contre, du coup, le jeu, il est optimisé PS4 Pro dès le premier jour. Et puis surtout, il tourne à 120 FPS. Donc ça, alors au départ, ils l'avaient annoncé à 90. Et puis là, on les a eu récemment. Ils nous ont dit, au final, on l'a monté à 120. Donc visuellement, c'est très, très, très joli pour de la VR sur PS4 Pro. Le jeu se tient. Hein. Alors, il y en a qui vont préférer Touring Car, il y en a qui vont préférer Mini Motor Racing. Moi, perso, ça doit être une déformation professionnelle. Je suis plus attiré par le visuel, donc ce sera Mini Motor Racing, mais c'est pas pareil du tout. C'est un super jeu, hein. C'est un super petit jeu. Moi, je le conseille, quoi. Et puis d'accord. Surtout une super durée de vie, un contenu généreux. Il est vraiment sympa. Bah oui, une cinquantaine de circuits, c'est quand même pas mal. Hein. Au moins, t'en as pour ton argent, t'as moyen de t'éclater. Des dizaines de bagnoles, des circuits que tu vas refaire dans l'autre sens. Donc du coup, ça te multiplie ton nombre de circuits. Mmh. T'as des intempéries. Il y a des défauts. Par exemple, c'est vraiment de l'arcade à mort, trop arcade même, que tu sois sur de la neige ou que tu sois sur du bitume sec, ta voiture elle va tenir route comme sur un rail. Bon, après tu prends du plaisir parce qu'on peut jouer en coop, une personne sur PS4 à la DualShock et l'autre personne dans le casque PSVR. C'est ce que j'allais te demander, s'il y a du multi. Et on peut jouer en multi également à 4 joueurs. Donc sur le papier, s'il a quelques défauts, il regroupe déjà beaucoup d'atouts. À savoir qu'il y a déjà deux mises à jour qui sont déjà sorties depuis la sortie du jeu, qui est quand même sortie il y a que quelques jours. Donc il continue à le faire évoluer en fonction des réclamations de la communauté. Rien à dire, quoi. C'est un studio qui est actif, c'est des Australiens, hein. C'est The Binary Mill. Ils sont super réactifs, ils écoutent tous les tests, ils regardent tous les défauts, ils les reprennent en compte, et puis deux jours après, ils nous ressortent une mise à jour. Enfin bon, il n'y a rien à dire, quoi. Ils sont sérieux. D'accord. Binary Mill, c'est des développeurs de jeux sur smartphone. À la base, c'est des jeux de smartphone, mais de plus en plus aussi. Ils ont déjà proposé Gun Club sur PlayStation VR. Oui, c'est vrai. Et Rush VR. Rush qui était pas mal d'ailleurs. Rush, voilà, c'est le jeu où tu es dans les airs là. Oui, c'est ça. Le flying suit. Mais alors c'est rigolo parce que sur les circuits d'ailleurs, tu as des grands panneaux publicitaires et dessus, il y a les pubs de leurs autres jeux. Ah, ils sont mal. Hein. Profit. Ils sont mal. Mais franchement, visuellement, c'est super sympa. Ouais, c'est mignon, non, franchement. En tout cas. Et puis c'est marrant parce que le lendemain, en plein test, je me disais j'y retourne, mais j'y retournais avec plaisir parce que il y a des bagnoles que j'arrivais pas à battre et j'ai dit putain, là cette fois je vais le pourrir, quoi. Donc il y a quand même on a quand même cette compétition en mode campagne. C'est intéressant. Ouais, je rajouterais que pour celui-là, les voitures, les caractéristiques des voitures ont vraiment un impact pendant la course. D'accord. Ouais. Tu peux facilement te faire doubler par une voiture qui a plus de vitesse que toi en ligne droite et ça va te coûter la course à la fin. Ouais. Donc, les circuits sont tellement petits, ça va très vite. Donc il y a une stratégie à... Notamment, il y avait des gros soucis. Donc le jeu est sorti le 17, donc il n'y a que deux jours. Dès le départ, si tu partais premier, c'est toi qui récupérais tous les boosters en fait. Et là, ce matin, ils ont refait une mise à jour. Du coup, les boosters arrivent un peu n'importe quand. Donc ça équilibre un petit peu plus le jeu. Oui. Ça équilibre un peu, parce que ouais, c'est sûr que T'en as qu'un sur le circuit aussi, c'est-à-dire que le deuxième n'apparaît qu'à partir du moment où le premier a disparu. Ouais. Ouais. Sauf que maintenant il est aléatoire, il arrive... parce que là, pendant le test, on a eu le jeu 3-4 jours avant sa sortie, pendant le test c'était flagrant, tu partais premier, tu finissais premier à coup sûr. D'accord, ouais. Problème d'équilibrage, quoi. Voilà. Et du coup, Touring Kart Majo, c'est la même, c'est aussi une bonne surprise ou pas? Alors c'est pas, moi je comme je disais tout à l'heure, c'est pas pareil pour moi, c'est pas tout à fait le même style. Mini Motor Racing X, moi ça me fait plus penser à Off-Road sur Super NES, donc c'est plus un jeu de petites voitures sur des maquettes, tu vois. Enfin moi ça me ramène un peu en enfance. Touring Kart, c'est vraiment plus axé Mario Kart, quoi. Mais d'accord. À 100%. Alors, je peux juste préciser un truc sur ce que tu viens de dire. J'ai joué l'intégralité du jeu à la première personne. Ouais, ben, je me suis même pas occupé de moi, cette partie. Moi j'ai pas essayé, mais justement le point fort que je trouve au jeu, et pour bien profiter des décors complet de la map, si tu veux, c'est vraiment de jouer sur les différents points de vue. Enfin, moi, je m'amuse à choisir le bon point de vue au début de la course et après à faire ma course, quoi. Et vraiment, je profite à fond. Et je trouve ça génial parce que le jeu est super beau Et franchement, je trouve le que jeu, c'est... Le jeu est encore plus beau, parce que du coup, quand tu vois tout le circuit, et ben les petites textures qui peuvent un peu piquer les yeux quand tu es en mode VR, parce que tu as le nez dessus, elles sont encore plus nettes. Mais déjà, en mode VR, c'est déjà super. Donc, quand tu le prends de haut, alors là, forcément, c'est magnifique. Mais après, quand je te dis que c'est pas la même chose que Mario Kart, si tu veux, c'est plus dans le gameplay, quoi. Oui. C'est très, très arcade. C'est moins compliqué que... Enfin, c'est, bah, c'est pas déjà, compliqué, tu, c'est déjà, pas le bon tu mot. Déjà, tu n'as qu'un seul... bonus, enfin objet ou attaque disponible par tour, si tu veux. Donc c'est que quand tu as franchi la ligne que tu en récupères un autre. Donc ça te limite à 3 par tour. Et puis une fois que tu les as utilisés, ben après tu peux plus quoi. On est beaucoup plus proche sur Touring Car de Mario Kart que qu'on ne l'est de voilà, Mini Motor. Voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi c'est pas tout à fait la même chose. Touring Car, ce serait plutôt un jeu de course mignon et un peu dynamique, si tu veux, basé arcade dans la conduite et tout ça. Un Mini Motor X, pardon, et Touring Kart, ça serait plutôt vraiment. Pour moi, c'est un pompé, mais large, de Mario Kart. Oui. Je te dis, même dans la musique du menu, je me revois attendre dans le lobby sur le Mario Kart Wii. C'est le premier truc que je me suis dit, c'est ça. C'est la même chose, c'est le même rythme, c'est tout ce que tu veux. Non, donc, est-ce qu'il est aussi efficace que Mario Kart? Mais il pique les voilà, yeux, donc, celui-là. Franchement, alors, il est, faut le dire, il est pas beau. Honnêtement, ouais. Il est pas beau. Aujourd'hui, c'est même tu vois là, je l'ai réessayé parce qu'ils ont patché, ils ont fait des améliorations de lumière. Donc, moi, quand j'ai fait le test, il y avait pas l'amélioration des éclairages. Donc, j'ai su retourner avant de publier mon test. J'ai fait un petit edit où ils l'avaient mis. Et franchement, j'avais l'impression que, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais ça brillait en fait. Ça brille trop. C'est trop clinquant, si tu veux. C'est criard. Mmh. C'est abusif. Et là, ils ont refait un patch apparemment contre l'anti-aliasing. Et c'est mieux. Mais ça pique quoi encore. Et puis ouais. Tu vois que tout est très cubique. C'est pas son point fort. Voilà. Aujourd'hui c'est pas son point fort. C'est pas ça. C'est pas les graphismes. Mmh. Mais c'est plus le reste. C'est plus la combinaison des armes. Parce que Mini Motor X, t'en as quoi, 4 je crois, 5 4 oui, 4 ouais. 5 maxi. Ouais. Touring Car, t'en as 45. Ouais. Ah ouais. D'accord. Voilà. Donc t'en as une petite dizaine au départ et ensuite tu les mixes si tu veux. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas ton arme dès le départ, dès que tu l'as, pardon, tu peux repartir récupérer un deuxième paquet si tu veux. Et en fait, ça va te faire une suggestion et en fonction de ce que tu choisis, ben, ça va coupler ton arme actuelle avec autre chose. Et donc, elle va être plus puissante, elle va avoir un double effet, ça va aller plus vite ou des trucs comme ça. Donc, c'est plus évolutif en fait. Ouais, voilà. Et puis, au niveau du gameplay aussi, au PS Move, tu peux sortir une méga massue, puis assommer le kart d'à côté ou des choses comme ça, que même ouais, dans ouais, le kart, bah, tu... même à la manette, du coup, bah, c'est un peu plus compliqué, ouais, c'est vraiment plus axé Mario Kart, quoi. C'est la différence entre les deux jeux, elle est là, c'est que t'en as un qui est axé Mario Kart et l'autre pas du tout. Mais sinon, le jeu est fun, t'as la gestion des dérapages, t'as de la custom et tout, franchement, le jeu est bien. Enfin, moi je l'ai trouvé sympa quoi. D'accord. Ah bah, alors Touring Kart, on lui a mis 7 sur 10, Mini Motor Racing, je crois que c'est 7,5 sur 10, donc ils se tiennent. Ouais. Mais c'est ce que je précisais dans le test de Mini Motor Racing X, c'est que pour les gens qui sont fans de Mario Kart, le jeu idéal, il n'est pas encore là. Le jeu idéal, ce serait un mélange entre le gameplay de Touring Kart et la qualité graphique et la variété de circuit de Mini Motor. Voilà, ce sera un mélange des deux. Donc il y a Dash Dash qui va arriver dans pas longtemps. On va voir ce qu'ils vont proposer. C'est un troisième challenger dans ce type. Il se passe quoi là avec les jeux de cartes en ce moment, là, les petits jeux de petites bagnoles là, parce que j'ai l'impression que tout. Il y a une demande sur les réseaux sociaux. Le nombre de gens qui demandent un Mario Kart VR. Alors déjà il y a Nintendo qui avait sorti le Mario Kart VR sur des arcades. Au Japon. Des bornes d'arcade au Japon. Et puis à ce moment-là, il y en a plein qui se sont réveillés. Et puis il suffit que tu commences à parler de ce sujet-là et tu vois que ça s'enflamme très vite. Il y a une demande. Voilà, donc le jeu parfait, celui qui aura un 9,5 sur 10, ce sera un mélange de tout ça, ce sera un Mario Kart VR amélioré, quoi. Ouais, mais c'est sûr. Et il fera un carton, c'est sûr qu'il fera un carton. Touring Kart avec de meilleurs graphismes, oui, c'est sûr qu'il tape 8,5, c'est sûr. Ce sera Astro Kart. Ouais, c'est ça, mais j'espère, franchement. Faut faire une pétition. Ou un CTR VR. Ça vous intéresse pas, les gars, un petit jeu de cartes? on prend des notes et on a. C'est bon, bien, vous cas, avez raison. En tout cas, j'ai vu que sur Mini Motor Racing, il y avait un mode un peu à la Rocket League. Déjà, c'est. Oui, c'est, oui, c'est vrai, t'en as pas parlé, ouais. Qui est en plus de l'autre jeu avec lequel vous avez comparé. Du coup, ça peut attirer aussi un public un peu différent des joueurs Mario Kart. Donc, c'est toujours sympa. C'est plus varié, ça va s'adresser à plusieurs joueurs. Il y a aussi le football. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, comme Rocket League. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ouais, je dis Rocket League. Qui est super sympa, d'ailleurs, parce que tout à l'heure, je disais que les circuits étaient tout petits. Donc, il y a moins de profondeur vu que c'est relativement petit. Du coup, c'est plus net. Et sur ce terrain de football qui est quand même assez grand, on s'aperçoit que c'est quand même nickel. Il n'y a pas d'aliasing, il n'y a rien. C'est nickel, quoi. C'est vraiment... Ça reste devant, propre. Je dis, waouh, ah ouais, c'est super propre. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de l'essayer, ce Rocket League en... Ah, mais c'est sympa. En multi, ouais. Si c'est possible. Je me suis fait laminer, mais c'est sympa. Ouais, c'est tendu, je pense, un peu quand même. Ok, très bien. Bon, bah, c'est tout pour les tests, du coup. Ouais. Voilà, c'est deux bons petits jeux. Après, c'est au niveau des joueurs, il faut bien qu'ils se posent la question sur leurs priorités, en fait. Sur ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà, s'ils n'ont pas de priorité, ils achètent les deux. sinon, il va falloir faire le choix entre les deux. Et puis, y en a un qui sera plus arcade, beaucoup plus joli. L'autre qui proposera par contre un gameplay bien inférieur à Touring Kart, et puis l'autre c'est un peu l'inverse. Et les deux sont cross-platform. C'est ça. Et ça c'est bien. Et ça c'est cool. Très très bien. Mais voilà, du coup, si vous voulez retrouver les tests complets, les vidéos, etc., vous allez sur verplayer.fr et vous saurez tout pour vous aiguiller dans vos choix. Et puis maintenant, on va voyager avec Stardust Odyssey. Et donc Dorian et Aurélien qui nous font le plaisir de nous accompagner dans cette émission. On va commencer par la présentation de Agartha Studio. Vous allez nous dire un petit peu comment le projet est né, comment le studio est né, etc. Allez-y, c'est à vous, messieurs. Oui, alors Agartha Studio, en fait, on existe depuis quelques temps. On avait démarré par des jeux mobiles. Et puis on a pris un peu le virage VR à l'époque où il y avait les dev kits, enfin les proto Oculus. Donc ça remonte à 2013. Et puis à cette époque-là, on avait quelques idées, enfin tout de suite les idées popaient pour tester des petites choses sympatoches. Et ensuite, on a un jeu en fait qui était terminé au niveau de développement sur mobile. C'était un jeu de air hockey et on a fait un portage VR. Ça marchait super bien. On a eu des bons retours, etc. Et d'ailleurs, on était au launch pour la sortie du Oculus Rift dans les titres de la sortie du Rift. Et puis voilà. Après, il y a eu des game jams. C'est-à-dire des concours qui avaient été organisés toujours par Oculus et puis Samsung. Et puis on avait des idées, petit à petit en fait les idées... je pense que la première idée ça a été le côté... c'est marrant ce que vous en parliez tout à l'heure avec le big screen et tout ça, mais les premières idées qui sont venues c'était de faire quelque chose en coop, enfin faire du social VR. Ouais, voilà. Mais on voulait pas quelque chose de compétitif en fait, où on joue l'un contre l'autre, où on peut s'entretuer, etc. On voulait vraiment de la coop et proposer une expérience où on joue ensemble l'un avec l'autre pour arriver au bout de l'émission. Et pas l'un contre l'autre. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est un peu parti de là en fait. Et du coup, bah, après on a brainstormé sur pas mal d'idées et puis on est arrivé à... On est arrivé en phase de développement sur Stardust. Notamment, on s'aperçoit, d'après les premiers retours, que justement le mode coop est bien. C'est un point fort du bien jeu apprécié. Aussi. Ouais. C'est satisfaisant, donc c'est marrant de. c'est cool. Mais du coup, pour revenir à Agartha, donc, c'est un studio qui est basé sur Lyon. Oui. Ça fait longtemps que vous avez monté ce studio-là. Comment ça s'est passé un peu? Alors, donc le studio a été créé en 2008. Donc, on était vraiment toute petite équipe. On a démarré par des par un jeu d'aventure en fait sur mobile. Et c'était un des premiers jeux d'aventure, c'était un point and click, donc un des premiers jeux d'aventure sur iOS quand l'App Store s'est ouvert et a permis de développer des applications pour le grand public. Donc on s'est lancé sur ce nouveau marché quoi en fait. Donc, c'est là vous vous lancez sur le nouveau marché de la VR. Voilà en fait on aime bien proposer des trucs innovants et puis. C'est aussi, ça nous permet peut-être de mieux se démarquer, parce qu'on a aujourd'hui sur le marché de jeux vidéo classique, enfin classique flat screen, quoi, enfin, sur un écran de télé, on va dire, ouais. Sur console PC, il y a une grosse communauté de joueurs, par contre il y a beaucoup beaucoup de développeurs, donc du coup on a essayé de viser des marchés. Et puis d'aller dans des nouveaux marchés assez vite, quoi, de se positionner dessus. Bah, ce qui a beaucoup servi à des studios comme Survios qui se sont placés sur ce marché de niche et qui ont explosé. Il faut bien commencer quelque part, de toute façon. Oui. disons que c'est tactiquement, c'est bien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, se faire une place en tant que petit studio sur un marché de jeux vidéo qui est déjà bien. On va dire bien embouteillé, ça permet de se faire voir sur des marchés. Et puis si la VR explose, ça permet d'être un booster pour une société, c'est clair, pour un studio. Et puis il y a aussi l'idée de se placer dans un marché. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus sur ce que vous avez dit, c'est le côté innovant justement de la VR qui vous a boosté, quoi, qui vous a donné envie justement de proposer quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, c'est sûr. Au niveau du challenge, ouais, tout à fait. C'est vrai que on avait un peu connu ça, par exemple, je reviens sur le mobile, mais on avait l'interface tactile qui était un peu nouvelle pour jouer. C'était sympa. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a proposé un jeu d'aventure point and click, parce que du coup, on profitait de l'effet tactile, ouais. Et puis sur la VR, c'est pareil, on porte le casque et qu'on peut tourner la tête, regarder autour de soi, on se dit qu'on va pouvoir faire des choses beaucoup plus poussées que sur un écran de télé. L'avantage, c'est qu'on peut être n'importe où, quoi. Oui, voilà. Et en fait, quand on place le casque sur la tête, on est vraiment transporté dans un monde. Et on est immergé et téléporté effectivement dans un univers totalement différent, quoi. Il n'y a pas l'effet, je regarde un monde à travers une petite boîte carrière, à travers une fenêtre. En fait, à travers une fenêtre, ouais. Voilà. Puis c'est marrant parce que c'est venu petit à petit en fait sur le prototype. Le premier prototype, il n'y avait pas le tracking des mouvements, donc du coup on n'avait que le gyroscope qui faisait l'orientation de la tête. Ensuite, ils ont apporté le tracking des mouvements avec des capteurs externes, etc. Et puis, on a vu un peu l'évolution de tout ça. Donc, à chaque fois, on a des petites choses nouvelles. Tu pouvais faire recommencer. Ouais, en fait, on s'est dit, on va pouvoir aller plus loin, quoi. on s'est tout de suite bien motivé par le médium. Et c'était vraiment intéressant de se lancer là-dedans. Et puis, comme aujourd'hui, on voit qu'ils vont... Ils poussent la technologie de plus en plus loin et on espère vraiment que ce soit un marché qui se développe et qui va arriver à maturité. Voilà, ouais, tout à fait. Et je pense notamment des annonces comme celle de Valve vont aider. Vont pousser le marché, oui, c'est sûr. Parce que là, il y a beaucoup de news un peu de partout suite à leur annonce. Donc, je pense que ça va aider à peut-être... essayer de faire sortir le côté, enfin de s'éloigner du côté accessoire gadget, quoi. On essaie de lutter contre ça aussi de notre côté, justement. Pour nous, il y a longtemps que ça ne l'est plus. Mais ça ne l'est plus. Mais pour les joueurs, si tant est que ça l'ait été déjà au début. Hein. Pour moi, l'accessoire gadget, c'était la VR sur mobile, ça oui. Mais les vrais casques comme on a nous, là, c'est une autre manière de jouer, vraiment. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a quand même... Il y a quand même certaines personnes, grand public, qui, tant qu'ils n'ont pas essayé, en fait, ils n'arrivent pas forcément à se rendre compte du potentiel. Ah non, mais ça, c'est une certitude. Donc ça... Exactement. On lit encore beaucoup de commentaires, c'est assez réducteur. On sent que les gens n'ont pas testé la VR, puis c'est ça. Ils sont là à critiquer à fond. Puis c'est un peu la mode de critiquer la VR, donc Un petit rappel sur Monsieur Xbox, Monsieur Microsoft. Filou, on l'appelle Filou ici. Voilà, ce que je dis toujours, c'est marrant, c'est que quand ils ont sorti Kinect ou quand ils ont sorti d'autres accessoires sur Sony ou sur n'importe quel, on va considérer que la VR est un accessoire. Pour moi, c'est pas vraiment un accessoire. Je veux dire, quand on va sur Amazon ou sur Google ou sur des trucs pour voir les avis acheteurs, on s'aperçoit que les gens qui achètent du casque, que ce soit un Quest, un Valve ou n'importe quoi, les notes, elles sont, ça se tape sur il y a 3 ou 4 000 commentaires sur des acheteurs, et au final ils ont des moyennes de 4,5 sur 5. Donc ceux qui ont un casque sont déjà convaincus en fait. C'est pour ça que plus on sera nombreux et petit à petit ces mêmes personnes qui ne font que répéter ce qu'ils ont entendu à droite à gauche, hein, parce qu'il n'y a pas que Phil Spencer, il y en a d'autres, hein, Red Project qui en a balancé une il n'y a pas très longtemps. Tu leur boucleras pas la bouche comme ça. Non, ils vont te dire que tu es capable d'avoir acheté tes étoiles sur internet, tes avis, commentaires, etc. Ces gens-là, un jour, ils vont se retrouver avec une licence qu'ils adorent, qui va sortir que. C'est pour ça qu'ils râlent autant d'ailleurs, parce que quand Valve balance Alix, ils sont verts. Ils se disent. Il y a une histoire de moyens aussi, parce que. Il y a une histoire de moyens, il ne faut pas l'oublier. C'est pas. Alors, ils sont verts parce qu'ils peuvent pas. Pour j'ai l'instant, ils n'ont pas les finances pour acheter un casque VR aussi. Et puis surtout, c'est des licences qui sont tellement attendues que quand ça arrive en VR exclusivement, ils se font insulter parce que les mecs, ils ont les boules. Mais bon, c'est un jour ou l'autre, ces gens-là qui critiquent la VR parce qu'ils ont les boules, un jour, ils vont peut-être pouvoir avoir les moyens de se prendre un casque. Et là, ils vont se dire « Ah ouais, ah putain !» Et puis, ils vont changer totalement d'avis. Donc ça va se faire tout seul. Et en fait, cette battle, si tu veux, moi, d'un côté, ça me fait pas marrer, mais je compare ça à l'époque où t'avais la battle console PC, où t'avais toujours ça, ça sert à rien de développer ça sur console, ça rame, le framerate il est à la rue et tout. Ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant t'en as un nouveau. C'est-à-dire que t'as la VR qui s'est glissée là-dedans. Ouais, ouais. Et en fait, t'as un peu l'impression que t'as la console et le PC qui s'allient, si tu veux. Pour aller contrer le nouveau qui vient d'arriver, à savoir la VR. Game of Thrones, le truc. Il y a des intérêts derrière. Il y a certaines entreprises qui critiquent la VR parce qu'ils ont intérêt à le faire. Parce que pour l'instant, ce n'est pas un modèle économique qui les intéresse. Ils en ont d'autres. Mais après, au niveau des joueurs, la plupart, ils suivent ce qu'ils ont lu à droite à gauche. Donc quand on entend des propos de Phil Spencer, de Red Project, forcément... ça influence, et puis les gens j'ai lu que, ou ça fout la gerbe, ça, voilà, et c'est des trucs qui reviennent fréquemment, et puis au bout de 4 ans, 5 ans, on n'en peut plus, quoi, de ces discours-là, quoi. L'histoire, on a envie de les attraper, les mecs, leur mettre un bon casque sur la tête et leur dire bon, maintenant tu vas faire ça, et puis tu vas-y. Maintenant que tu sais, vas-y. Il faut faire tester un maximum de gens, parce que c'est vrai que nous, on l'a vu, par exemple, je prends un exemple assez simple, mais on montre le trailer, la vidéo, la bande-annonce de notre jeu, et puis quelqu'un va le regarder en disant c'est un jeu, mais bon, je ne me rends pas forcément bien compte de ce que ça peut être. Et puis là, on leur fait essayer, on leur met le casque sur la tête, et ils commencent à jouer, et là, ils comprennent ce que ça veut dire que d'être téléporté dans un autre univers, voilà. Et on regarde autour de soi, on peut observer les objets en volume, etc. Et c'est vraiment, c'est un gap énorme entre. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui. Non. Oui, bien entendu. Non, t'es pas là pour ça. C'est ma manière de vous couper. du coup, pour pallier à ce problème là, parce que on sait tous que la VR, de toute façon, ça ne fonctionne qu'en VR. Tous les trailers là qui sont balancés sur YouTube ou n'importe quelle autre plateforme, il n'y a pas moyen de les adapter en VR ? Alors en fait, on peut. Brevet. Ouais. Ah merde. Non mais en fait ce qui se passe, c'est qu'on peut mettre en ligne une bande annonce, mais qui sera une vidéo 360, quoi. Donc on peut. Ouais, mais justement, aller au-delà de la vidéo 360, parce que la vidéo 360, ça reste du flat. Parce qu'en fait après on est obligé d'avoir du hardware qui va faire le rendu 3D avec les deux. Ah oui, non, mais je parle pour de la lecture dans un casque VR avec un hardware. Enfin, je veux dire une démo contemplative. Pas une démo, je te dis, où tu joues, mais vraiment un trailer, mais en VR. Par exemple, Alix, ça reste du gameplay, le trailer d'Alpha FX, mais enfin vraiment te mettre à la place de, du mec avec ses mains. Je dirais que si ça arrivait, finalement, il n'y a que ceux qui auraient des casques qui pourraient profiter. Donc au final, c'est le problème. On n'ouvrirait pas la porte. Oui et non, parce que tu pourrais aussi le faire découvrir aux autres. Et toi-même, tu as des jeux auxquels tu ne joues pas parce que le trailer ne te dit rien. Moi, le premier, ça m'arrive. Et en fait, une fois que tu as le casque sur la tête, tu dis, ah ben en fait, le jeu, il est pas mal. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, la règle d'or qu'on devrait avoir, qu'on n'a pas toujours, c'est tous les gens qui nous écoutent, qu'ils soient sur PC ou sur Sony ou n'importe quel casque VR existant, n'hésitez pas à le faire essayer à un maximum de monde. Et surtout, de ne pas faire essayer n'importe quoi à n'importe qui. Quelqu'un qui débute en VR, on ne va pas le balancer dans les combats à faire des loopings dans un avion de chasse. Sauf si on l'aime pas. Voilà, c'est ça. Et c'est justement avec certains jeux comme Stardust Odyssey ou des jeux comme ça qui sont relativement sympas qu'on fait prendre conscience. Astrobot est un super truc pour faire découvrir. Et les gens qui viennent et que je leur mets le casque, j'aime pas trop. Puis tu les mets sur des jeux comme ça, puis ah ouais, c'est ça. Et puis ils repartent, tu sens qu'ils ont percuté. Quoi. Ils ont dit, ah ouais, et le pire, c'est qu'ils lâchent pas la manette. Non, quand tu leur dis allez, maintenant c'est fini. Non. Ah, déjà, bon, chérie, faut qu'on rentre. Non, mais attends un peu. C'est notre rôle en tant que média, blog ou réseau social ou youtubeur ou quoi que ce soit, de justement inciter les gens à aller essayer. Quand la VR est arrivée, quand il y a eu les grandes distributions de VR, des magasins comme Micromania ou la Fnac arrivaient à faire des essais, ce qui n'existe plus vraiment maintenant. Par contre, il y a toutes les salles d'arcade, les salles qui proposent de la VR, où on peut facilement avec des amis passer une bonne après-midi et aller tester la VR. Et jouer à plusieurs. Voilà. C'est bien aussi. Voilà, ça aussi, t'as un peu de tout quand même. Moi, j'en avais vu une là sur Royan. C'est un jeune qui a monté ça, si tu veux, mais ça reste des petites expériences récupérées. Je sais même pas si c'est pas des jeux gratuits qu'il a adaptés sur des bornes VR où t'es fixe, un peu comme tu pourrais jouer à la maison. Mais ça, je pense que ça vend pas du rêve, quoi. Et d'ailleurs, il avait pas grand monde dans sa boutique en pleine période d'été. C'est le plus grand danger de la VR. Je me rappelle à la Paris Games Week en 2017. Ça venait à peine de sortir et donc on faisait la queue pour aller tester le PSVR et donc moi je m'étais amusé avec ma caméra à me placer à la sortie des essais pour voir la tête des gens parce que les jeux je les connaissais tous par cœur et donc ce qui était drôle c'est que les gens prenaient un ticket pour réserver pour essayer le casque mais en fait quand ils arrivaient ils allaient à l'endroit où il y avait de la place donc t'avais des petits qui venaient avec leur maman, des petits de 12 ans qui venaient avec leur maman. Ils se retrouvaient dans un jeu d'horreur où t'en avais d'autres qui disaient dans la queue oula j'espère que je vais pas être malade, ils se retrouvaient sur Escombat et c'est là où il y a une éducation aussi au niveau des vendeurs et des gens qui c'est de montrer c'est la bonne expérience à la bonne personne quand le mec qui est habitué à la VR on pourra lui faire voir n'importe quoi mais quelqu'un qui la découvre, il faut commencer doucement et c'est en ça que des petites expériences comme Ocean Descent de la compile VR World étaient bien. Parce que au final, personne n'est malade. Et ça donne déjà une première impression sans gameplay de ce que ça peut être. Donc on peut le faire essayer à la maman, au papa. Et puis après, il y a les parents aussi qui ont... C'est un peu comme quand les micro-ondes étaient sortis, où on disait ça, vous allez tous mourir si vous mangez là-dedans. Tu vas trop loin, Lou, tu vas trop loin. C'est chaud pour revenir sur le thème là. Récemment, et les plaques à induction, on n'en parle pas. Les plaques à induction, c'est vrai. Sur Reddit, sur Reddit, il y avait plusieurs jeunes qui en parlaient et qui disaient je rêve d'avoir un PSVR ou un casque. Parce que c'était sur un forum PSVR, et mes parents ne veulent pas parce qu'ils disent que ça va me cramer le cerveau. Quoi. Donc ça existe quoi. Oui, c'est comme le nerd à l'époque il y a 15 ans ou 20 ans, c'est comme la télé ça rend débile, c'est comme le fait de lire ça rend intelligent, enfin, c'est des discours réducteurs qui perdurent à travers les âges. C'est ça. Et donc justement pour revenir à Stardust Odyssey, c'est justement le bon jeu pour faire découvrir la VR parce que c'est un jeu qui n'est pas violent au niveau des mouvements, ça, il y a une espèce de flow permanent dans ce jeu-là qui est super agréable et en plus le fait qu'il est ultra beau même sur PS4 normal quoi. C'est le jeu où j'ai vu les plus beaux poufs en VR. C'est le truc que je peux dire. Le meilleur simulateur de poufs. non mais c'est vrai, il est d'une netteté qui est assez incroyable pour une vieille machine comme ça et en tout cas le Le flow dont tu parles, c'était un des points qui nous a fait créer aussi Stardust Odyssey, en plus du côté coop dans le pilotage de vaisseau. C'est un jeu qui est méga confort et que, en fait, nous-mêmes, en testant des jeux un petit peu, Ice Combat ou des roller coasters ou des expériences de ce genre-là, nous, on a vite mal à la tête aussi, donc on s'est dit, en point clé, on veut un jeu qui soit confortable, où ça tourne pas forcément dans tous les sens, où il n'y ait pas des impacts forts, et du coup, tout ça, ça fait que ça nous a permis de créer des règles aussi de game design pour le jeu. Puis voilà, donc ça, nous en tout cas on n'a pas eu de mal de nerfs en playtestant le jeu, donc c'est bon signe. Non, déjà pour nous c'est confortable, et puis voilà quoi. Non, mais malgré ça, en plus, t'as quand même des moments de tension dans le jeu. Tu vois, malgré le fait que ça soit posé, calme, en ambiance et tout, tu vois, quand tu te mets derrière un autre vaisseau, qui passe bleu, t'es en mode furtif et tout, et là, hop, clac, tu te décales, faut que t'avances vite, t'as l'impression que le mec il te regarde à côté et tout. Il y a une arène, il y a la musique qui monte, et puis il y a des gardiens qui spawnent, il y a les moments de tension qu'il faut. C'est relativement. Au niveau gameplay, c'est relativement souple aussi. On parlait tout à l'heure de Mini Motor Racing qui est quand même en 120 FPS. Quand on prend un virage sec, ça se coup quand même. Ouais. Alors que là, on est à 90 FPS, on flotte tout le temps. Au niveau des commandes, c'est super bien géré. Alors ça, c'est parce truc qui m'a scié. C'est le fait de straffer aussi. C'est ça. Et puis les commandes au PS Move, je comprends pas que d'autres jeux n'aient pas pensé à ça avant. Ça, c'est vrai parce que c'est le gameplay qui fonctionne. C'est génial. C'est agréable d'entendre tout ça. c'est vrai qu'effectivement c'était les piliers, notamment. Enfin, on a parlé effectivement en premier de la coop, mais il y a le confort et puis aussi le côté intuitif des contrôles. On s'est mis comme objectif en fait d'utiliser un seul bouton pour que ça soit accessible à quelqu'un qui connaît pas. Il faut appuyer sur croix, c'est où croix? Que quand on a le casque sur la tête, il faut mettre des petites informations sur le contrôleur 3D qu'on voit dans le jeu. Et en tout cas, on voulait essayer d'éviter tout ça et d'avoir une prise en main très très intuitive, quoi. Et puis on a eu une version aussi un peu simulation avec on a réfléchi à pousser une manette des gaz, enfin 2-3 trucs en plus du rudder finalement du gouvernail. Et puis on a remarqué que quand on joue tout seul, c'est quand même beaucoup plus sympa de piloter d'une main, de tuer les gardiens, de récupérer des sorts, de manager, de piller. Et du coup c'était beaucoup plus confort comme ça, donc D'accord. C'est vrai que en plus de parler du flow du jeu, c'est vrai qu'au niveau de la maniabilité, ça se ressent aussi vachement, tout est instinctif, tout fonctionne. Tout ce que tu peux faire se trouve de toute façon en face de toi, et t'as plus qu'à piocher en fait tes sorts ou récupérer le gouvernail, et c'est limpide, quoi. C'est tout de suite. Et puis c'est un truc qu'on voit trop souvent, qu'on voyait pas vraiment avant sur console, c'est qu'en général un jeu arrivait et il était relativement abouti. Depuis, on va dire la dernière gen, ça commence à se multiplier où les jeux sont pas forcément aboutis. Et en VR, on a carrément l'effet PC, on va dire, où les jeux n'arrivent et sont pas du tout finis. Je pense à Ascian avec Obduction quand il est sorti. Et là, on se retrouve sur un jeu et on cherche, mais on trouve pas grand chose à corriger. Finalement, il est prêt tout de suite. Il est parfait. S'il y a encore des choses, ce sera des améliorations qui vont augmenter la note. Mais c'est pas quelque chose qui devrait être là. Il va falloir trouver quand même un truc de méchant à dire. Parce que sinon, je pense qu'on va pas être crédible. Le truc méchant à dire, c'est pas forcément méchant. Disons, quand j'ai commencé le test, première fois que j'ai joué, j'ai dit je vais y passer 4 heures, facile. J'ai fait le jeu, je dis sur le cul, j'ai dit putain les commandes c'est nickel, visuel c'est super et tout, et après le lendemain j'ai dit je vais y retourner, mais cette fois je vais chercher les défauts plutôt que de chercher à mettre des points, je vais essayer d'en enlever, et dans ce cas là c'est vrai qu'on pourra avoir l'impression au bout du premier jour de se dire qu'on reste constamment dans un tunnel perpétuel et que c'est toujours en fait un cycle sur tous les niveaux. Alors ce cycle est rompu parce que forcément il va falloir équiper son Evercraft, Ouais. Donc du coup eh ben, il va falloir revenir en arrière pour récupérer des choses qu'on n'avait pas. Alors ça, j'ai trouvé ça super aussi. Donc c'est pour ça que je cherchais mes petits points à enlever, en fait. et donc du coup, on s'ennuie pas parce qu'on se dit, mince, j'arrive pas à passer ce boss. Ben, je vais recommencer au niveau 1 et puis je vais essayer de récupérer encore des trucs en plus. Pour... C'est ça, ouais. Puis on s'aperçoit de plein de choses. On s'aperçoit qu'on peut tirer aussi à l'arrière des autres Aethercraft pour récupérer des... Alors, je sais plus ce que c'était, des espèces de diamants rouges là, pour récupérer du minerai. Il y a des choses qu'on découvre, en fait. Il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et finalement, je dirais, un point supplémentaire, ce serait de temps en temps arriver à rompre cette linéarité dans les différents niveaux avec un gameplay totalement différent. Un petit peu ce qu'ils ont fait sur la marmotte, là, The Ground Out Day. Où on joue toujours un peu de la même façon, et puis pouf, d'un milieu, tu te retrouves dans un niveau, tu es dans une cafetière qui n'a rien à voir. Rajouter des cafetières, les gars. Mais disons que le gameplay est tellement différent qu'il y a un moment où tu t'y attends pas, en fait, et pof, tu te dis mince, un peu à la Earthworld Jim quand tu étais sur ton petit vaisseau, là, ça casse en fait la linéarité du jeu. Ah, le truc pour sortir le joueur de sa zone de confort et un petit truc ponctuel qui ne revient pas souvent. Un truc de 3 minutes juste pour casser un peu cette linéarité. T'as les fights, hein. Mais globalement, franchement, le deuxième jour où je cherchais le défaut, il n'y en avait pas vraiment, en fait, pas beaucoup, mis à part des petites choses comme ça, mais c'est des détails, on va dire. Okay, bah, en fait, on a essayé effectivement de renouveler un peu, alors à travers les sorts, les différents types d'ennemis, etc. On a, dans chaque niveau, il y a des nouveautés. On a eu plein d'autres idées qu'on aurait voulu intégrer. Oui. Mais là, forcément, après, c'est des questions de délai et de budget qui nous ont restreintes, en fait, sur enfin, tester, parce que, en fait, chaque fois qu'on a une idée, il va falloir la confronter en un test réel, quoi, parce qu'on. Quand on va commencer à implémenter quelque chose, on va s'apercevoir des fois que ça marche plus ou moins bien, etc. Et ça casse le rythme. Ouais. Alors du coup, nous, on a proposé, par exemple, les conditions climatiques. Enfin, il y a des petites choses qui viennent pimenter un peu changer l'ambiance. L'aventure. Ah oui, en pleine tempête, en VR, ça le fait super bien. Ouais. Ah, les tempêtes de neige qui frisent la régénération de points de vie, ça tweak un peu le gameplay, ça tweak les règles, et puis du coup, on se sent moins en sécurité. Il y a quelques petits trucs comme ça qui viennent un peu changer un peu les habitudes du joueur. Après, il y a le temps de développement qui fait que. Tu m'as spoilé, Dorian, je suis pas arrivé là encore. Ah, je t'ai spoilé, tu l'as pas fini, t'as pas le 100% encore. Ah, là. Non, je peux pas tester tous les jeux, c'est pour ça qu'on se les partage, du coup, non, j'y suis pas encore. Le souci, c'est qu'il y en a tellement à tester. Du coup, il doit te rester encore plein de sorts à découvrir, parce que... Tout à fait, oui. On a un sort nouveau dans chaque niveau, et du coup, ça permet d'apporter du gameplay différent. J'ai fait les deux premiers, et j'ai dû jouer 3 heures, je crois. Parce que j'ai refait le premier une deuxième fois, parce que... J'avais pas compris, en fait, que les éthers, tu pouvais pas les récupérer dès le départ, donc en fait, je les refais pour rien. Et donc, du coup, j'ai bien pris mon temps. Mais j'étais pas arrivé encore là. C'est pas grave, je le saurai. Je serai meilleur. Voilà, merci. Tu seras prêt. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui m'a interloqué dans ce jeu-là, c'est une espèce de fausse linéarité, en fait, quand tu joues. C'est-à-dire que tu vas faire ton premier niveau, normal. Tu fais le deuxième et puis tu te retrouves devant un boss que t'arrives pas. Enfin, moi personnellement, je me suis fait plier plusieurs fois. Et je me suis rendu compte. C'était le deuxième ou troisième niveau, je crois. C'est le deuxième. C'est à ce moment-là, en général, que tu commences à t'énerver. Moi aussi, il m'a pilé. Et tu commences à. Non, bah, même sans s'énerver. Non, parce que l'ambiance est tellement, je te dis, cool. Tu rides en fait tout le temps, donc ça reste quand même plutôt zen. Mais du coup, en fait, j'ai quitté le niveau et je me suis dit que. Et j'ai vu que le troisième niveau était disponible en fait. Tu n'as pas terminé le deuxième niveau pour avoir le troisième. C'est ça. Et du coup, en fait, tu vas visiter un petit peu le troisième, tu te rends compte de certains trucs, tu as des nouveaux éléments de gameplay qui arrivent, ce qui te permet de t'améliorer au fur et à mesure. Et, même toi, en tant que joueur, hein, pas uniquement sur les sorts que tu peux récupérer et sur les améliorations que tu peux avoir. Et après, tu retournes plus sereinement sur le deuxième niveau pour te confronter justement à ce pic de difficulté que tu as eu et que tu n'as pas vu venir. Quoi. Donc, c'est pas un jeu, tu. Termine ton premier niveau, c'est terminé. Tu as ton deuxième niveau, tu termines, fini. Hop, après tu passes au troisième. En fait, tu passes ton temps à à naviguer en fait entre les niveaux, à récupérer des sorts qui te permettront de débloquer des trucs sur les anciens niveaux, etc. C'est pas une ligne droite en fait. Alors le but c'est de laisser le joueur aussi faire ses petites sessions de jeu, aller se fixer des objectifs, prendre de l'argent, améliorer son énergie jaune parce qu'il en a besoin de plus pour battre le boss, récupérer le magma ou attention spoil, mais récupérer des sorts un petit peu plus loin pour pour revenir effectivement tuer un boss qui est un peu compliqué ou quoi. Donc, c'est un peu une mécanique de RPG en fait. Exactement, un RPG ou de JRPG à l'ancienne, tu vois les vieux Final Fantasy où t'allais dans un truc, tu tombais contre un boss, t'allais faire de l'XP, etc. ou chercher une arme dans un autre village ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est un peu ce principe-là et après tu reviens en arrière, enfin ou sur un autre niveau que t'as vu précédemment, tout ça. Non, mais c'est, moi je trouve ça pas mal du coup. C'est intéressant, c'est une autre manière de jouer. Ça permet de croiser dans la linéarité en fait. Pardon. Ouais, c'est ça. Je disais avec le feeling d'améliorer son vaisseau aussi, parce que c'est un des points qui fait toujours plaisir de commencer avec un vaisseau qui est assez rudimentaire et puis de sentir la montée en puissance et du coup autant le skill du joueur qui augmente en fonction des sessions de jeu puis le vaisseau qui s'améliore, donc c'est toujours bon à prendre quoi. Puis c'est toujours un vrai plaisir de d'arriver à battre un boss qui résiste. Ouais, c'est satisfaisant. Contrairement à certains jeux où justement tout est trop facile, et on se dit mince, là on fait demi-tour, je vais l'avoir, et puis on va améliorer son truc, puis on y retourne, et puis quand on l'a, c'est l'extase, c'est à ce moment-là qu'on se dit waouh. Yes. Mais en tout cas, le joueur n'est pas vraiment tenu par la main, quoi. Même s'il y a des explications, un tuto, toujours le petit personnage et qui t'explique un petit peu comment ça fonctionne. T'as le marchand aussi, mais c'est au joueur. Quand il n'y arrive pas, c'est à lui de comprendre en fait qu'il faut arrêter, qu'il faut recommencer autre chose, qu'il faut s'améliorer pour y retourner plus fort. Et puis ça j'ai bien aimé justement. Une fausse linéarité en fait dans le jeu. Ça, j'ai bien aimé. Ouais. Voilà. C'est un point fort. Et un autre truc aussi, je voulais demander, c'est qui est-ce qui a eu l'idée un petit peu du design général, de l'ambiance générale du jeu. Ça se passe comment? Vous faites des soirées narguilé, c'est quelque chose comme ça. Tiens. Parce qu'il y a une empreinte très très forte hein, quand même dans ce. Ouais. En fait, c'est que ça vient pas forcément d'un coup, mais en tout cas, ce qu'on a voulu proposer, c'était comme on en parlait au début un peu aussi. Enfin, c'est le point fort de la VR, c'est de pouvoir transporter le joueur dans un monde unique et différent quoi, et du coup on a voulu faire un jeu donc avec du pilotage des vaisseaux etc, mais pas dans un univers froid moderne futuriste ouais, etc quoi. Et du coup c'est un peu parti de là et on a je crois qu'il y a eu aussi un passage un peu Mad Max etc aussi et du coup les tempêtes de sable, enfin le fait d'avoir des tissus, du bois, enfin tout ça en fait ça a été des intentions qui après on est allé dériver vers des c'est là qu'on a imaginé on a poussé un peu l'univers aussi, la route de la soie, ce genre de choses quoi. Et puis après on fait toute une phase de recherche au niveau des références et puis on a vraiment poussé cet aspect là pour être aussi ça apporte un côté aussi un peu cosy, enfin confortable quoi, quand on est sous la tente et du coup ça a été vraiment un moteur après. Et on a vraiment poussé toute la direction artistique, musicale, etc. Vers ces éléments-là. Donc, puis notamment la musique, on a des instruments typiques, exotiques, qui ont été utilisés pour mettre en valeur l'environnement musical, etc. Donc, transporter. Et aussi, vous avez développé un lore qui a l'air assez, assez profond, en tout cas très recherché. J'arrive pas en fait à imaginer que ce lore sera développé pour pas avoir une suite en fait. Alors, effectivement, une nouvelle info de plus pour le site ce soir. Le lore a été beaucoup poussé et finalement beaucoup plus que ce qu'on a raconté dans le jeu. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite? Je ne sais pas, mais en tout cas le lore a été bien creusé pour qu'on ait une cohérence dans l'ensemble, que ce soit au niveau du personnage qu'on incarne, des personnages qu'on croise ou même du fonctionnement des vaisseaux. Donc en fait le lore, c'était une partie qui était super importante pour que... Ouais, ça, c'était pour marquer un peu une direction artistique et puis un univers, quoi. Donc, l'univers, il a été bien creusé. De rendre le tout crédible, en plus. Exactement. D'accord. Majo, ouais, tu voulais... Non, je disais un truc original et bien à eux, si tu veux. C'est ça. Pour qu'il y ait une empreinte bien particulière et qu'ils ne soient pas fondus dans la masse, quoi. Au niveau du scénar, il y a énormément de jeux où on se retrouve facilement dans du wave shooter classique où finalement ça tient sur un papier carambar le pitch. et finalement on s'aperçoit que non, là il y a une vraie histoire derrière, il y a un vrai truc, c'est travaillé, il y a même des petites animations, des petites choses pour expliquer l'histoire. Des petites anecdotes et des factions. Ça aussi, l'intégration de l'image 2D dans la fumée, j'ai trouvé ça super. Plutôt que d'avoir un écran bêtement placé devant ses yeux, on reste dans un environnement VR. C'est super bien. Dans la fumée, on voit cette image un peu floutée dans la fumée, ça rend super bien. Et c'est pas non plus compliqué pour rien, parce qu'il y a aussi l'autre syndrome de faire des lores un petit peu trop recherchés, c'est de mettre des complications dans le scénario pour absolument rien, et du coup ça noie le joueur. C'est juste dosé comme il faut, quoi. C'est plutôt pas mal. Ok, bah merci. Et il faut parler de la musique aussi, qui est importante, parce que là encore une fois, il y a énormément de développeurs, alors qu'ils n'ont pas forcément de gros moyens, parce qu'on est principalement sur de la VR, sur des développeurs indépendants, et il y en a beaucoup qui utilisent des musiques de banque de musique. Là, dans votre cas, c'est une musique originale. J'ai vu qu'il y avait on pouvait télécharger sur le store la bande originale avec les 6 titres dessus. Alors c'est qui s'est occupé de la musique? Alors en fait on a travaillé avec des gens qu'on connaît. Il y a une personne qui est sur Lyon et une autre qui est sur Paris. Et en fait on a discuté de l'univers, tout ça, puis ça les a vraiment branchés. Et on a travaillé ensemble en fait à créer une ambiance musicale qui collait à l'univers. Et voilà, on a eu la chance de pouvoir le faire, et c'est vrai que ça apporte une touche vraiment sympa au jeu. Alors ils ont beaucoup travaillé aussi sur informatique, hein, avec leur logiciel, etc. Et après ils ont fait de l'enregistrement live d'instruments, et puis ils ont vraiment des idées. Après même moi on pourrait pas vous expliquer comment ils arrivent à composer des thèmes. C'est un truc de saltimbanque, quoi. Au niveau créativité, et puis d'arriver à composer un thème comme ça, c'est assez étonnant. Ils avaient un petit peu une vision de l'univers. Vous leur avez peut-être donné des artworks et des trucs comme ça pour qu'ils puissent un petit peu On a beaucoup échangé avec nos références dans un premier temps, et puis après, dès qu'on avait du gameplay à leur montrer, ils ont testé pour s'immerger dans le jeu et puis découvrir un peu vers quelle direction on souhaitait aller. Du coup, je voulais revenir sur la bande originale en fait, qui est disponible sur le store. En fait, ça, c'est 6 titres qui sont en plus issus des musiques du jeu. C'est-à-dire qu'ils les ont... Enfin, c'est même venu de leur part, en fait. Ils nous ont proposé de réarranger les musiques pour qu'elles soient optimales pour une écoute chez soi, quoi. Donc du coup, c'est pas tout à fait à 100% ce qu'on retrouve dans le jeu. Mais en tout cas, c'est des compositions en plus spécifiques. C'est des versions expansées, quoi. Ouais, et c'était vraiment, vraiment sympa. Puis on a des musiques qu'on retrouve que dans le jeu, mais qui n'étaient pas forcément... Enfin, je sais pas, une musique de boss, des fois, c'est pas ce qu'on a envie d'écouter chez soi. Tu mets ça dans ta bagnole, t'es bien. Surtout sur Lyon, quoi. Faire du sport, ça peut être épique. Ouais, mais pourquoi pas. Mais du coup, ils ont vraiment eu le plaisir, en fait, à bosser avec nous sur la composition des musiques, et puis en proposant, là, ces pistes spéciales pour la bande originale qui est disponible sur le store. Enfin, c'est vraiment été... c'était vraiment sympa. La bande originale, elle est à 4,99€ sur le store, pour ceux qui nous écoutent. Et donc, du coup, les... Du coup, c'est pour vous ou c'est pour ceux qui ont composé la musique? Bon, en fait, on a un contrat avec eux, donc c'est. Non, parce que ça aurait pu être un petit moyen de leur rendre, enfin, de les remercier, ouais. si tu veux, de vous avoir fait la musique aussi, de proposer ça pour qu'ils puissent le vendre, puisque les musiques sont sympas à écouter. Mmh. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Bah, du coup, non, c'était pas péjoratif comme question. On a... Ouais. Bah, en fait, on a voulu. Enfin, et eux, ils ont bien apprécié de travailler avec nous pour l'ambiance qu'on leur proposait, puis du coup, ils ont été très créatifs. Et nous, on a vraiment aimé ce qu'ils ont proposé, donc on essaye de se faire un peu de la pub chacun, etc. Notamment, alors en fait, bon, ils ont un nom de scène chacun. Donc en fait, c'est PMGN qui est sur Lyon, et puis Léon Shelby qui est sur Paris. Et ce qui est sympa, c'est que PMGN, en fait, enfin, c'est Thomas qui bosse sur les musiques sur Lyon. Et il fait des concerts en fait de musique, mais dans un genre complètement différent. Et il s'est retrouvé en fait à intégrer des pistes du jeu pendant ses concerts, etc. Donc c'était vraiment marrant parce que en fait il a vraiment apprécié de travailler sur ce projet-là. Que les enfin nous même nous aujourd'hui encore aujourd'hui on écoute enfin pendant la prod et puis même régulièrement on se retrouve encore à écouter les musiques, enfin on est ils ont vraiment fait un super travail et c'était marrant de le voir. Au début il nous a demandé alors est-ce qu'on peut les utiliser et tout ça pendant les concerts, et c'était marrant de retrouver du coup des petites notes du thème, etc., enfin des petites compositions qu'ils ont récupérées pour faire ça, et c'est marrant. C'est intéressant ce que tu viens de dire, de dire que pendant la prod, vous écoutiez les musiques, parce que les musiques collent parfaitement à l'univers, et le fait de produire, ou de modeler, voilà, on reste dans cette ambiance. Tu restes dans l'ambiance. Voilà. Et c'est... Ouais, c'est sûr, bah c'est... Bah oui, effectivement, enfin bon, je me répète, mais on a effectivement des moments où je mettais le soundtrack en boucle pendant que je bossais sur la prod. Donc c'était vraiment une partie sympa du projet de bosser sur la musique, quoi. Du coup, partenariat à refaire pour votre prochain jeu? Oui, il y a de grandes chances qu'on travaille encore avec eux. C'est plutôt rare, hein, d'avoir sur un jeu VR soundtrack. Il y en a très peu qui proposent une bande originale séparée comme ça sur un jeu. Donc encore une fois, jeux typiquement rythmiques et typiquement musicaux. Oui, voilà, dehors de. Et c'est encore une preuve qu'il y a eu vraiment un travail apporté sur tous les détails du jeu, et que ça a été vraiment une bonne surprise. A été fait de manière soignée. Tout à fait. Et d'ailleurs un jeu comme Stardust Odyssey, c'est combien de temps de travail? C'est combien d'années de développement? Pour 2 heures. 2 heures. Tu veux les vexer? On y a passé un peu plus de temps que ça, mais on va dire que ça. 2 heures, 2 années. Ça représentait. On va dire que ça représente quand même 3 ans de développement, ouais. Sachant que. Au début, un jeu bien fini. On a eu des idées, des phases de recherche, etc. Et puis c'est venu petit à petit. Donc on n'était pas au début à 100% sur le projet. Ensuite, on a pu se lancer à 100%, renforcer l'équipe, etc. Mais oui, on va dire que c'est quand même 3 ans de travail, y compris itération sur. Est-ce que cette mécanique de gameplay marche ou pas, etc. Jusqu'à finir. Et dans ces 3 ans de développement, combien de temps de tests? En fait, on a fait beaucoup de tests au fur et à mesure. Je pourrais pas donner de ratio précis, mais c'est une part assez importante parce qu'on. En fait, nous, quand on est la tête baissée dans la production, il y a beaucoup de choses qui ressortent pas de la même manière, et quand on fait venir tester quelqu'un qui soit il a jamais testé, ou même qu'il a déjà testé le jeu mais il revient beaucoup plus tard avec des nouveautés, etc., le regard est pas du tout le même, et du coup, c'est ce que j'allais vous poser comme question: qui testait les parties, et à quel moment vous les faisiez tester? Du coup, si vous faites des croisés, c'est bien. Si tu testes pas ce que tu as développé, c'est mieux. Du coup, oui, voilà, on a fait venir du monde au studio pour nous donner leur retour, etc. Et c'était vraiment enrichissant, et on va essayer même de... je pense qu'on l'a pas fait assez, et qu'on va essayer... c'est vraiment un aspect très important d'avoir du feedback de personnes extérieures. Parce que nous, on a, enfin, il y a des choses auxquelles on fait plus forcément attention et on s'est retrouvé, par exemple, à rajouter des petits éléments visuels en fin de prod parce qu'on a vu des retours sur le fait qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas forcément très, enfin, où on pourrait les rendre plus lisibles ou etc. Et non, c'était un processus et on va essayer de le pousser encore plus loin dans les prochaines prods, bénéficier des retours de joueurs, etc. Quoi. Bah, c'est important. Cas, ouais, c'est toujours intéressant le moment ultime où quelques mois ou quelques semaines avant la fin de la production, où on fait venir des personnes qui ou n'ont jamais fait de VR ou n'ont jamais joué au jeu, puis là, on voit le résultat ultime. Du coup, il y a toujours des petites retouches à faire, quoi. Là, c'est ça. Et par intéressant, tu veux dire stressant. Je veux dire très, très stressant. On boit beaucoup de café. et puis voilà, non, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Un projet comme celui-là, comment on le finance ? Est-ce qu'il y a eu des financements de l'Agence française pour le jeu vidéo, des choses comme ça qui sont intervenues pour De Sony ? Alors, bah, y a plusieurs leviers. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe. Ouais, parler d'argent, c'est toujours compliqué. Non, mais je veux dire, c'est qu'on a, on n'a pas forcément accès à beaucoup de mécanismes pour financer, notamment en début de production de jeux. C'est surtout ça, au début. Ouais. Et en fait, bah, nous, on a démarré par l'autofinancement, en fait. C'est projets précédents, des investissements personnels où on avait participé à des concours. Est-ce que votre banquier vous a dit oui, on y va, ou est-ce que vous êtes passé par un truc totalement aléatoire? Est-ce que votre banquier vous a foutu dehors au début? Ah bah, il faut arriver à justifier l'équipe, le projet, les ambitions, etc. Non, ouais, tu peux passer de manière traditionnelle, comme tu vas t'acheter une maison ou t'acheter une voiture, tu passes voir ton banquier, tu dis voilà, je voudrais faire ça, comment il le prend si c'est comme ça que vous avez fait? Ça peut être marrant, ça aussi. Ouais, bah, ça dépend des interlocuteurs. Effectivement, non, il y a plusieurs mécanismes. Après, effectivement, nous, on a. En fait, ce qui se fait souvent, c'est qu'on. Malheureusement, on est obligé de passer par une phase d'autofinancement, souvent de la première phase, c'est-à-dire prototypage, etc. Et après, on va démarcher des éditeurs. Pour obtenir des financements si le projet leur plaît, etc., et puis qu'ils ont envie de l'avoir dans leur catalogue. Et puis bah là, en fait, dans le marché VR, y a Sony qui a vraiment souhaité mettre en avant leur produit, etc., et du coup ils ont essayé d'investir en fait dans des studios. Alors déjà, on le voit en interne avec leurs jeux qu'ils font eux avec leurs équipes internes, Japan et London Studio, etc. Mais par contre, ils sont très actifs à aider des équipes, des petites équipes indées à pouvoir développer et sortir un de leurs projets sur leur plateforme. Donc, et à comprendre. On avait déjà discuté avec d'autres développeurs qui nous avaient dit justement que Sony était quand même assez présent, quoi, justement, quand il y a des questions, et plutôt réactif. Oui, bah, et on sent qu'ils ont envie que leur casque fonctionne à côté de leur PlayStation, quoi. Et du coup, c'est ça, de la console, ça. Et qu'ils sont promoteurs de c'est de bien pour Laurent, ça le rassure. Ouais, je suis rassuré là. En ce moment, il est bien. Il est bien. Non, depuis ce matin, ça va mieux. C'est l'autre qui m'a crispé. L'autre filou. Là. L'autre filou dont on taira le nom. Ouais. Mais non, effectivement, on s'est aperçu qu'ils avaient ils avaient vraiment envie que le marché se développe, et du coup ils sont actifs c'était une bonne expérience. Et vous traitez avec PlayStation France ou Europe ou Japon? D'ailleurs, je sais pas. En fait, l'office principal Europe, c'est en Angleterre, à Londres. Donc en fait, on a travaillé directement avec eux à Londres. Il faut préciser quand même que Sony se balance pas dans des exclusivités comme ça avec n'importe quel studio. Donc déjà, ils ont dû remarquer qu'il y avait certains potentiels, parce que c'est vrai, quand on voit arriver une exclue Sony, en général, on sait que c'est léché en général. Là, je m'attendais franchement pas à ce que ce soit autant léché, mais Bon, il y a beaucoup de petits développeurs qui passeront pas ce cap-là. Quoi. Et les éternelles phases de test que Sony impose pour pouvoir adhérer au catalogue PSVR, est-ce qu'elles sont si difficiles que ça à passer? Parce que ça a quand même la réputation d'être quelque chose de... Enfin, le passage obligé et l'ultime passage est le plus compliqué, en fait. Alors, oui, en fait, c'est justement, c'est différent de... Par exemple, sur Steam, il y a... Enfin, c'est le développeur qui va avoir ses propres contraintes, enfin, etc., quoi. Et après, les constructeurs spécifiques, comme ils le font aussi sur Oculus, sont peut-être un peu moins drastiques, mais après, effectivement, Sony, comme ils ont l'historique d'avoir des consoles, en fait, au début, quand on sortait un jeu, enfin, il y a pas mal de temps, et qu'on le sortait sur cartouche ou disque, etc., bah, il fallait que le jeu soit terminé, et une fois qu'il était gravé et puis vendu en boutique, on pouvait plus rien y toucher, en fait, on pouvait plus le mettre à jour, etc., quoi. et aujourd'hui, avec le dématérialisé, on se dit, bah, on va sortir le projet, puis on va, s'il y a des petites choses, on va pouvoir les corriger, etc., quoi. Le fignoler. Et on sent qu'ils ont gardé un petit peu cet esprit, on veut que le projet il passe tout un certain nombre de tests pour être à la hauteur quand il va sortir sur le catalogue, et puis aussi ne serait-ce que pour répondre, par exemple, c'était les premiers à avoir un bouton spécial pour pouvoir recentrer la vue, enfin ce genre de choses, quoi, pour pouvoir uniformiser le fonctionnement au niveau des sauvegardes, au niveau des interfaces utilisateurs pour leur console. Et ça, je trouve que c'est pas plus mal qu'on a un processus un peu que le joueur qui va jouer à un jeu sur sa console, il sait à peu près à quoi s'attendre. Et puis après, bah non, bah les tests, en fait, on va dire que il y a une très très grosse documentation qui fait plusieurs centaines de pages. Donc il faut bien les éplucher, bien lire entre les lignes. Et puis en fait, on est assez guidé. En fait, il y a des tests et puis des processus pour. En fait, ils expliquent la façon dont ils vont tester le. Enfin, tous les tests qui vont être conduits sur le projet avant d'être sortis. Et du coup, bah, il faut bien se tenir informé de tout ça, bien faire les tests, nous, en interne, avant d'envoyer une version, etc. Mais oui, bah, c'est quand même un processus assez important, mais bon, c'est pas insurmontable quand... Quand on a eu le talent. Non, mais bah, il faut s'organiser, et puis il y a une documentation, etc. Après, nous, on est une petite équipe, mais on venait de studios déjà sur Lyon qui bossaient sur des jeux pour console, etc. Donc on a un petit peu d'expérience là-dessus. Mais bon, enfin oui, faut pas le sous-estimer, quoi. Il y a toute une phase de test en fin de projet qui, des fois, on peut avoir des petites surprises, etc., quoi. Donc rien de très compliqué au final, si tout est bien fait dès le départ, ça se passe bien. Il faut bien lire, ouais, toutes les directives avant de, et puis il faut pas les lire à la fin. Merde. Des fois, ça peut demander des modifications assez importantes, donc faut anticiper tout ça, quoi. Mais ouais. Nous notamment, on avait des contraintes, bah, comme on a un mode multijoueur, on a des contraintes au niveau du multijoueur, etc. Enfin, il y a toutes ces choses là qu'il faut pas laisser pour la veille. Bah, la question, c'est le truc qui revient fréquemment, hein, parce que c'est un jeu, on sait qu'il est français, donc on comprend pourquoi il n'est pas traduit en français, ça, mais bon, à chaque fois qu'on met la moindre vignette sur le jeu, on a la question qui nous revient, et pourquoi il n'est pas en français? Pas doublé, précise, pas doublé. Ouais, on est les premiers à qui ça fait du mal, hein, que le jeu soit pas français, mais... Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait de d'un point à améliorer. Voilà, bah, ce serait d'avoir une piste audio française, si possible, parce que j'essaye d'expliquer que ça a un coût et que c'est pas forcément évident quand on lance un jeu comme ça. Et puis bon, bah, derrière, il y en a qui comprennent, il y en a qui, il y a toujours les bons franchouillards qui vont dire je comprends rien à l'anglais, ce sera sans moi, voilà. Mais bon, ça, on est habitué. Hein. Alors, ce qu'on tient tout de même à préciser, c'est qu'effectivement, c'est le doublage. Alors, c'est très important, on est conscient. Mais c'est uniquement les voix. Après, tous les textes et les sous-titres, etc., sont bien traduits. Oui, tout à fait, en français. Ouais, dans, tout à fait. Voilà, dans plusieurs langues, dont le français. Et sans faute d'orthographe. Et sans faute. C'est important aussi, ça. Et sans Google Trad. Sans Google Trad. Mais ça, oui, ça c'est vrai. Oui, il est intégralement sous-titré en plusieurs langues. Ça, oui, on a oublié de le préciser. C'est très important. On parle uniquement de l'audio, là. On ne nous avait pas dit qu'on avait droit à un joker, non, pour une question Non. Non, mais... on ne l'a pas dit, non. Okay. moi, je vais vous défendre, les gars. Je trouve que ce n'est pas forcément très utile à partir du moment où c'est sous-titré et bien sous-titré en français. Je suis un amateur de séries télé. Aujourd'hui, je la regarde que doublée en... Enfin, que en VO et sous-titrée en français. Comment la bête. Ouais, complètement, là. Voilà, je... Pour là, le mec. Je suis pas... je préfère qu'ils mettent de l'argent dans le budget, dans la réelle du jeu, et que le jeu, au final, soit bien fini avec un texte français, qu'avec des grosses voix français qui vont payer une fortune pour au final, comment dire, se restreindre sur le reste du jeu. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir cette philosophie-là aujourd'hui. À l'époque, les gars, vous qui êtes plus ou moins de la même génération que moi, à l'époque, on n'avait même pas la chance d'avoir ni de voix, ni de texte en français. On jouait qu'avec des trucs en anglais, quand tu tapais des RPG ou des trucs comme ça. C'est vrai. On y arrivait, on était plus jeunes, donc bon, là on est vieux. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et, c'est pas une priorité, par exemple. C'est pas une priorité. Une minorité qui râle, hein, de toute façon. Sur 90, sur 98 personnes, sur 100 personnes, t'en as 98 qui diront rien, ça leur ira très bien. Puis t'en as deux qui vont s'exciter dans les commentaires. Donc, Moi, je pense que le modèle économique, vu comme il est là, il est très bien. Enfin, je trouverais inutile d'avoir payé une grosse VO, une grosse VF, pardon, doublée. Mais si c'est pour perdre de l'argent, oui. Ouais, voilà, je pense pas que ça soit une bonne idée dans l'immédiat. Là, je disais, ça n'empêche pas la progression du jeu, quoi. Voilà. Non. Le jeu est suffisamment clair et lisible en étant tel qu'il est. Ça pose aucun souci dans le jeu, ça c'est sûr. On est conscient, effectivement, que ça serait un plus. Des fois, c'est plus simple. Dans la langue natale, on n'a pas besoin de regarder, de se concentrer. Il suffit que quelqu'un nous parle dans l'oreille. On comprend beaucoup plus facilement, forcément. Mais on a eu des choix à faire et malheureusement, c'est tombé là-dessus, quoi. J'en avais parlé, je crois que c'était dans le test ou je sais plus sur quel article sur le jeu. Il faut pas oublier que donc au mois de mars dernier, on était à 4,2 millions de PSVR, surtout que c'est une exclusivité. En France, ça doit se tourner entre 200 et 300 000 PSVR. Donc investir, parce qu'il faut payer les acteurs, il faut payer les studios d'enregistrement, il faut refaire des prises, ça coûte de l'argent. Derrière, si c'est pour que ce soit moins rentable avec une VF, c'est pour ça qu'il y en a très peu. Finalement, c'est ceux qui proposent une version française aujourd'hui en VR, c'est des jeux compatibles qui bénéficient des ventes sur PS4 à plat et qui peuvent se permettre ce genre de choses. Ça changera quand tu auras plus de joueurs. Non, mais c'est même pas non plus une nécessité. Hein. Je sais pas si tu te souviens. Non, mais non, les vieux Resident Evil, enfin Resident Evil d'ailleurs, parce que sinon Sébastien il va me défoncer, qui était en anglais sous-titré en français, c'était autrement plus efficace que les derniers qui sont sortis, qui sont par exemple le remake du 2 là, qui est en français. Moi, ça me pique les oreilles un peu. Hein. Tu prêches un convaincu là. Moi, je suis en train de me battre pour que mes enfants regardent tout en anglais, donc et je suis content. Ouais, alors voilà. Qu'est-ce que c'est que cette question alors? Alors, en fait, si je la pose, c'est que j'en ai marre qu'on me la pose en fait. On se bat pour vos enfants pour qu'ils apprennent l'anglais. Vous rappelez l'interview avec Nicolas Doucet qui est quand même parti vivre en Angleterre durant 7 ans, je crois, et il a appris l'anglais sur les jeux vidéo, hein, en jouant au jeu, il l'avait dit dans son interview. Ouais. Donc non, moi au contraire, quand mon gamin de 12 ans se retrouve face à un jeu tout en anglais, par exemple Minecraft, qui est Minecraft Story Mode, la saison 1 n'est pas traduite, j'étais super content parce qu'il cherchait, mais ça lui plaît tellement qu'il cherche les mots, il cherche à comprendre. C'est ça que j'aime. Après, en petite anecdote, pour la version française, à la Paris Games Week, on était présent avec Aurélien sur le stand de Sony, et on a croisé Padge. Pierre-Alain de Garrigue, oui. Qui est un doubleur français connu et reconnu, notamment pour sa voix de Hearthstone et de pas mal de personnages de jeux vidéo, les lapins crétins, des personnages de League of Legends, tout ça. Il a testé Stardust et puis du coup, il s'est éclaté à doubler En live volé. En live, les personnages et tout, avec son charisme et sa joie de vivre, enfin, c'était fantastique. On aurait dû lui faire faire tout le jeu et avec un petit micro. C'est ça ce que j'allais dire, avec un petit dictaphone. Un petit micro discrètement, on masque ensuite le bruit de la foule de la Paris Games Week et puis on l'intègre, quoi. Ni vu ni connu, et hop, une version française. Non, mais on a gardé contact avec lui, puis on sait pas, peut-être qu'un jour on pourra faire un truc, ou on le garde en tête. Peut-être qu'on proposera un patch, ou ça peut arriver, pour l'instant on peut rien promettre. Oui. Faut faire attention sur les déclarations, Pascal. Pris pour argent comptant. Ok, ouais, l'anecdote. Stardust Odyssey, en tout cas, la bonne surprise de la fin de l'année pour les PSVR. VR Game Critic lui a mis un 7,9. Donc le VR Game Critic, c'est une moyenne de test en fait. Donc là pour l'instant il est à 7,9 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Et il a 9 tests pour l'instant. Donc c'est plutôt une très bonne note. Oui, vous voyez, quand on vous avait dit qu'il était bien, les autres sont de notre avis, donc on ne s'est pas trompé. Amplement mérité, en tout cas. Allez, on va terminer, les gars, avec l'interview pile ou face. Ça n'est pas forcément quelque chose qui a à voir avec le jeu vidéo, quoique. Je vous donne deux mots, vous choisissez l'un ou l'autre. Vous avez le droit d'expliquer pourquoi vous le choisissez. Vous avez le droit de garder le silence quant à vos choix. Vous faites comme vous voulez. Ça vous va? Ouais. Allez. Faut répondre vite. Hein. Chien ou chat? Chat. Pas de commentaire. Ouais. C'est une réponse, ça. Ensuite, console ou PC? Console. J'ai été plus rapide. Ah, ok, c'est pour toi. Non, moi j'ai toujours apprécié. Moi, je sais pas si on développe un peu, mais. Vas-y. J'ai toujours été plutôt joueur console, parce que j'aime bien. Enfin, je sais pas, je trouve que ça. On achète une console, on achète un jeu qui va avec et ça, on a moins l'impression de. J'ai toujours. Enfin, quand j'ai commencé, j'ai trouvé que le jeu PC c'était plus des gens qui vont customiser, changer de carte graphique assez régulièrement, etc. Spanx. Plus côté hacker et tout ça, quoi. Il y avait ce côté-là. Et du coup, il fallait coder ton jeu pour y jouer. pour y jouer, voilà. Mais non, je trouve que l'écosystème d'une console, personnellement, je le trouve plus attrayant en fait. Ça fait plus friendly. Plus friendly, voilà, plus grand public. Avec par exemple la Switch et tout ça, je trouve que c'est. Plus simple pour tout le monde. D'accord. C'est assez sympa. Ok. Ouais. Troisième question, Candy Crush ou Dark Souls? Dark Souls, dis donc, c'est quoi cette question là? Dark Souls. Oh putain, on a senti les hormones là, le Dark Souls. Ah bah, il fallait faire pas le titiller avec ses mots-clés. Dark Souls, ouais, non, quand vous avez le choix d'un jeu avec autant de skills et de boss fight, évidemment, Dark Souls. Ah, je crois qu'on a un vrai fan, hein, du coup. Et t'avais essayé le jeu VR justement de ce studio de From Software qui était sorti sur PSVR, c'était. Pas du tout, parce que je leur ai fait confiance sur le fait qu'ils allaient faire du bon boulot, mais par contre, non, j'ai pas eu l'occasion de le tester plus que ça. Bon, c'était un truc à scénario, hein, c'est ça? Ouais. Bon, ouais. Bon, on a parlé en émission, on a assez cassé du sucre dessus, on va pas. Ok, enfin, bon, allez. Film ou série? Série. Non, je sais pas, en fait, je vais parler à ta place. Mais... Ah non, c'est toi qui réponds. C'est marrant, les séries, on aime bien le format et on en discute régulièrement, je sais pas, quand on mange ensemble, etc. Ouais, vous êtes sur quoi en ce moment? C'est assez convivial. Ouais, pas mal de séries Netflix. Qu'est-ce que. Moi, j'ai eu Peaky Blinders il y a pas longtemps, la dernière saison. Ah. Et puis là, je suis sur Steven Universe, ce qui n'a rien à voir. D'accord, moi je connais pas ça. Ok. Non plus. Et le format est assez sympa par rapport à un film. Plus en plus répandu de toute façon, ça a explosé depuis quelques années. Cinquième question, Star Wars ou Star Trek? Je crois que ça va être Star Wars. Je crois que ça va être Star Wars, hein, pour tous les deux. Ouais. Star Wars. Bah, on ira voir nous aussi le dernier au cinéma, comme beaucoup de gens, qui le critiquent d'ailleurs, on ira le voir quand même. On va aimer, on va critiquer et puis ça continuera et puis c'est très bien. Je ne peux pas aller le voir, je commence déjà à le tailler, mais je veux y aller parce que c'est quand même toute mon enfance. Quoi. Je pense que ça. En va fait, nous, on garde l'espoir qu'il y a un truc, le truc, le lien des trois épisodes que t'as pas vu, que t'as pas vu venir, c'est ça. On a envie d'y croire. Apparemment, il n'y en a pas. Ah, mais dis rien. Mais je l'ai pas vu, mais de tout ce qu'on entend. Ah, il y a des bons avis, il y a des mauvais. On sait jamais trop quoi en penser, donc je pense que c'est pour ouais, ça que j'y vais en fait. C'est subjectif. Faire mon avis. Ouais, bon. En tout cas, on aura l'occasion de bien s'engueuler là-dessus, Laurent. Ah, c'est sûr. Hein. Ah, peut-être pas, ça se trouve, je vais aimer. Peut-être pas. Bah, peut-être que je vais pas aimer. Bah oui. Vive Rogue One. À Rogue One, j'ai aimé. Ouais, complètement. Le premier qui critique Rogue One, alors là, je sors. Il était hyper stylé. Je sors les armes. Il était pas mal. Il est logique, surtout. Bon, question 6. Lyon ou Paris ? Oh bah Lyon. Ouais. Vous avez jamais eu envie justement de vous d'aller à la capitale, là où ça se passe ? Là où ça se passe, ils ont piqué les Vélib hein, quand même. Si tant est que ça se passe, c'est pareil, non, c'est les internationaux, quand ils disent on va en France, en fait ils vont à Paris parce qu'ils connaissent rien d'autre. C'est ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Après, je trouve que Lyon c'est un peu plus petit et du coup plus à taille humaine et c'est sympa. Et tu bouffes mieux quoi. Ah, on mange bien. On mange gras mais on mange bien. Ouais. Ensuite, la route de la soie ou la route du Rhum? Difficile ça. Il y a un joker à un moment, non, c'est ça? Il n'y a pas de joker, tu choisis. Ah, oh, bah, sans transition, la route de la soie. Allez, au hasard. La route de la soie. Ils sont un peu obligés de. Ouais, c'est ça. Allez, dernière question. La route de la soie avec du rhum. Avec du rhum, voilà. Voilà, on y est là. C'est ça. Allez, dernière question, verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Et j'ai bien dit VR. C'est quoi ces questions ? Vaut mieux voir le bon. Allez, VR à moitié plein, parce qu'on est positif, on est optimiste. On est content d'être là. Yes. Puis on est content de faire de la VR aussi. Donc, comme ça de faire découvrir. Ouais, c'est clair. Et ouais, exactement. Et bah, très bien, en tout cas, parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Ouais, je peux en poser une, moi ? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Chocolatine ou pas en chocolat, les gars? Cherche la merde. Il y a des problèmes. Parce qu'on est en plein débat en ce moment là et ça fait fureur en interne. Donc, il y a une guerre interne. Voilà. Voilà. On a les partisans de chaque clan ici aussi donc. La guerre est en cours. Hein. D'accord. J'espère que vous avez de la place dans votre espace commentaire dessous parce que vous avez des sujets comme ça, c'est pas fini. C'est ça. Ouais, c'est un peu trop chaud quand même. Hein. On fait que du divertissement. Il ne faut pas non plus faire attention avec les sujets. Les sujets sensibles. Exactement. Voilà, donc, merci messieurs en tout cas. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous avoir pendant l'émission. De parler un peu plus en profondeur du développement du jeu vidéo. C'est toujours très très intéressant. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas aussi. Merci à vous. Merci à vous. Hein. On a passé un super moment. C'était sympa. Voilà, toujours agréable de discuter VR avec vous. Bah ouais, c'est réciproque. Et du coup, ben, vous avez votre place au show si vous voulez revenir à l'émission avec grand plaisir. Super. Stardust Odyssey 2, par exemple. Par exemple. Ou même pour parler d'un sujet de VR. Ouais, pour parler chocolatine ou pain au chocolat. Mmh. Et, on aura peut-être la réponse. Hein. Peut-être jamais. Ouais, moi, je l'ai déjà la réponse. Attention, terrain glissant. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. On vous souhaite aussi de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, en 2020, pour toujours parler de VR. Vous pouvez nous retrouver sur Podcloud. Enfin, je le dis à chaque fois, ça. Est-ce que c'est vraiment utile de le dire ? Sur les niveaux, il faut le dire. Parce qu'il y a encore des gens qui, au Black Friday ou pour Noël, qui vont déballer des paquets avec un PlayStation VR dedans. Donc, il faut toujours le dire. Allez, bon, Podcloud, Spotify, Deezer, iTunes, Internet en règle générale. Et puis voilà, c'était très très bien. Salut Lolo. Attends, j'ai encore un truc. Je voulais parler de Phil Spencer. Les micro-ondes. Est-ce que ça file vraiment le concert? Non, je crois pas. Non, je veux juste préciser justement qu'en cette période de fin d'année où il y en a peut-être qui ont récupéré un casque VR pendant le Black Friday ou qui en auront peut-être un pour qui vont devenir des VRistes après ces fêtes, ils peuvent se retrouver sur le site s'ils ne savent pas encore quel jeu choisir. On a fait une sélection des meilleurs jeux pour nous sur tout le catalogue du PlayStation VR, qui comprend quand même à peu près 380 jeux à l'heure actuelle. Il suffit d'aller sur le site, sur la page des jeux, sur les incontournables PSVR, et là il y aura tous les jeux qui pour nous sont les meilleurs du catalogue. Donc, que voilà. Du bonheur. Et Stardust Odyssey en fait partie. Voilà. Quel entrain. Bon, parfait. Maggio, bisous. Ouais, bisous les gars. Merci, merci pour l'invite. Merci Agartha, c'était cool. Vous êtes sympas les mecs, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Vous avez pas le melon et tout, c'est bien. Merci à vous. Ouais. Et puis bonne continuation. Et puis j'espère qu'on pourra vous revoir avec un nouveau jeu bientôt en VR et que vous ferez fureur avec l'actuel. Ou voilà. Se faire une bouffe sur Lyon, ça peut être pas mal aussi. Ouais, c'est un peu loin de chez moi. Ouais. Moi, je suis une chocolatine. Moi, je suis pas un peu en chocolat. Ah, ça y est, maintenant on sait. Maintenant on sait. Allez, à bientôt tout le monde. À dans 2020. Et puis, voilà. Allez, bisous, ciao. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Salut. Puisque nous sommes ensemble.